Et on met dans le plat, on le met dans le plat, on met la salade d'alface et après on met les tomates aussi, les oignons. Ah oui, On coupe les oignons ça a en l'air bon tranches. ça. Et comment ça fait quand tu coupes les oignons comme ça? Comme de la mozzarella. C'est comme ça. Me mets un micro pour qu'on entende. Ah, tiens, t'as un autre micro là? Tu le mets à côté de ta main et tu fais le son de couper les oignons. Tu le mets, tu vois, voilà, sur la table. Mais mets-le à côté comme ça. Pose le micro à côté de tes mains. Non, regarde, je vais te montrer. Attends. Là, on va danser ça. Living life without fear, putting 5 carrots in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool, cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good. And if you don't know, now you know, nigga. What up, man? Sound the rubber, bro. I'm coming, man. I know I'm late, man. Yo, hold up for me, all right, baby? I'm coming. I'm on my way now. All right, peace. The good, the bad, the young, the mild, the good, the bad, the young. Il était vraisemblable que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant. C'est une peur à facettes, comme dans les discothèques, ça reflète ta lumière sans elle du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi. C'est musique du film Gigal, ça. Hey, it's time to get up. Time to change the world, cause I'm fed up. We're gonna expose the wrong that's been going on. There's people dying in the streets still, in every city. Lots of kids, they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world, and you know that I know the good, the bad, the young, the good, the bad, the young. L'homme qui prend le microphone, c'est un homme solaire, maître de la rémunération, compagnie de commerce de gangstar à Paris, en France, comme dans la Rome antique. Imite le maître, maque le maître, comme je t'entends, juste limite le maître qui millimètre après millimètre, jette l'intellect à des kilomètres. Crazy madness, it's all I see out my window. It doesn't matter who's the president, yo. I hate to tell you, but slavery is still in effect. Haven't you checked? Us black folks, we ain't free yet. I make a bet, if you don't let the truth out, evil will win without a doubt. And it's not good. The good, the bad. C'est le monde des affaires, au péage sur la misère, le réel menace, votre alala la l'air, l'air de rien, je doute de l'existence des dieux, de l'existence du mieux, dans un lieu plus pieux. Alors je prends de l'avance en prenant du recul, car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. I come in peace, but suckers always trying to front, so I gotta let them know, this ain't no game punk, cause you could wind up dead, with bullets to the head from the posse's left. I'm like your mentor, and this is for your benefit, so kill the noise, cause the rude boys ain't having it. Le bien, le mal, en prophète de la fête, je suis comme ceux qui font la défaite de la fête. Alors faites attention, cette recette intercepte de la guêpe, trouble fête et le son domine la situation. Le bien et le mal, situation critique, problème politique et technique, au film nous explique. Yeah, my man MC Solar in the house. I know that's the crew, know that's what you know that. Got the whole posse, Jimmy James, Mikey Moosh Moosh, Lucian, Blackjack, the man, Terry, the man, Seth, Sunny, MC, Zeke, Menelec, Bambi Cruz, Planet Mars, Stripe, the Reaches, Cool Beats, Sedan, Democrat B, and the whole entire crew. You know what I'm saying? Taking those shorts at 9-3. Peace, it's the good and the bad in the mind. Bravo! Qu'est-ce qu'on va chanter encore? Ça. Yo, Havoc, I'm too close to the edge on this one. Big L, rest in peace. I'ma keep it broke, yo. Yo, Prodigy, you know I need you on this one. Got shit on my chest, I must confess. Last night I was the nigga that shot up your projects. Now I'm back in the hood with rocks and the Pyrex. 10 khakis and them Nike Airs with the dot checks. I was forced to live this life, forced to bust my chrome. My pops left me in the foster home. I felt abandoned like quick, now that my heart gone. So I don't hop in the SS without the Mossberg homes. I've been rapping for a year and a half, my life is real. Put the gun in his mouth, he gon' bite the steel. Come to Compton, I got strikes for real. Before Trey, before the ice, before the deal, I was almost killed like Pac before the death row deal. I got shot over 2 pounds of weed, still ain't found them niggas. But karma come quicker for a nigga on the other side of the gun. That's something I gotta teach my son. In uptown Harlem now, I need that love. Front court at the Dixie. Babble, chick, French name, new car, new house, and sometimes French change. And you don't need that love. G's like us, and your Jesus piece is similar to Biggie's. And your life story is similar to 50's. First they hate you, then they love you, then they hate you again. What the fuck do it take for a gangster to win? No mic, hits, no unsigned hype, nigga, fuck the source. Plus them awards I don't need, and them niggas breathing the same air as me, acting like they don't bleed. We don't try the same speed, this a continental team. That's a case of Armadale, this a continental suite. So I'ma drown in my own sorrow, live life, fuck tomorrow, nigga, cause reality is. Daddy's house with Black Robin, Lou, Axe, Puff. Now the game set in stone. Frank Miller set in stones. Drake cut me a check, I'm gone. Trying to be the king of the streets, niggas are wet your throne. But I got nieces to feed, two coasts to please. So I roam through the city like the ghost to eat. Gotta put Compton back where it's supposed to be. Nothing between all my niggas that's close to me. In the streets with two fellas back and toasting me. How close to be? Got all the critics watching my record, you know my. C'est dans la même galère. Le jour où on part, on prend la nuit, on rêve de dollars. Force des pensées trop fortes, on revenait ce dollar. La vie est précieuse, non pas un film. Chaque frère du père, Dieu nous laisse infirme. Mon entourage formé comme un seul corps. Des hommes de tête au bras droit, pas de pied tendre. On fait à nos membres, pénétré par la lumière, nos cœurs, on demande qu'à aimer. Mais dans la vie, il y a de la guerre, cette maléfique sont tombées. Beaucoup d'ennemis, parmi eux trop tombés. On sent que la rage dans nos abdomens. Je la raconte des chichis, des salopes, des pichinés en mal pleine. présente aujourd'hui. Les vrais centres purs produits de l'heure, voilà les auteurs dits d'interdits qui claquent sur internet. Par intérêt, comme dirait Chacha, un de mes frères Zen. J'ai l'air un sport pour les gros. Les masses, les gros, les victimes et les pros. Hommes de l'ombre, ma l'eau. Caché dans les poissons, moi c'est en des lieux sobres. Hommes de l'ombre, ces hommes de l'ombre. On prend ses sons, 92 artisanaux. Homme de l'eau, caché dans les poissons. Moi c'est hors des lieux sobres. Homme de l'eau, ces hommes de l'ombre. Après il part, on se sent. Il y a les 400 anniversaires de la naissance de DK. Tout ce que je touche devient droit. Après il dit que le moyen qui est réelle signification à voir on pourrait arriver parfois au moins que ce n'est pas le, vraiment le cas, que l'intention d'apporter la contribution à innovatrice possible de les études philosophiques ont pris une option précise de faire appel à la jeune chercheur dont le plus souvent de la thèse encore est soutenue et puisse librement le risque en péril parfois en nouvelle voie dans la recherche cartésienne. Et après il dit, à partir de sa postérité, pourquoi la cartésien était fidèle à Darnoul, explicitement doctrine de la création des vérités éternelles, moraux, doctrine dans la représentation de la réalité objective, s'achève de la doctrine du tableau, d'où voit la confrontation avec Kant, n'aboutit qu'à la ravaler la Descartes, Descartes au rang de la pensée pré-critique. Permet-il au contraire d'y reconnaître l'anticipation à cette critique Bourriaud peut, et après dire entre parenthèses Bourriaud, peut-on comprendre la fiction de la mathésis universalis, confirmer la pertinence ou de la règle générale de l'indication de Husserl. De Husserl, Olivo. Peut-on connaître l'ordre du discours de la métaphysique? Ils ont une belle présence, on rêve. Cartésienne et corrigée, validerait aussi l'ordre de la raison suivant Habermas, qu'on appelle l'Harald. Le référent de dialectique dans la Régulale. L'œuvre de Descartes, notamment le Régula, a été interprétée dans son rapport philosophique ancienne médiévale, un vaste domaine de recherche au jour de le Régula. Il n'a pas voulu qu'il soit recherché par la police. Je vous voudrais, c'est dur pour lui. Il a mal au corps, au procès d'Espagne à cause du train. Immédiat de plus de 20 000 ouvriers. Alors là, il leur faut un ouvrier pour leur sagesse. Mais en fait, les enfants ont tapé le choc. Je ne sais pas quand ils rentrent à la maison. Ils ont cherché Emmanuel Macron. Pas quoi. Ils ont vu que c'était un homme qui rentrait dans la vidéo. Ils n'ont pas de parents. Je ne sais pas. Il a dit. Kerman, Sagittarius, procédure dialectique, validité singulière. Sans rapport à la syllogis précognita, méthode concept d'ordre à série système pour les ramistes, syllogisme est considéré comme un second jugement à l'énonciation de la méthode. Il est mis sous double surveillance de l'invention dont les raisons subsistent à l'énonciation de ces méthodes procède à un long discours de syllogisme. L'admission de... C'est bien ça. C'est des cartes lues par un. Après, il dit la polémique dialectique contre l'invention de la lumière naturelle de toutes les déductions de contrôle avait l'évidence de rapporter à la notion implantée dans le naturel avant que la ramée s'impose à la dialectique du terme de la méthode. L'engouement fut. Alors, il a le livre au. Alexis Universel de. Enfin, qui nous ont dit qu'ils veulent pas qu'ils le comprennent. C'est pas vrai. C'est les menteuses du pays. Ils ont aidé. A contrer quand le haut code situa unica doctrina intimutanda et methodus 1557 alignant qui deux ou trois, quatre méthodes ou tarda à décompter 120 ramicht au strict obédienne comme G. Temple combatté dès 1850 à la tripartition mal contentreuse piscator J. Piscator voit de la méthode dans le droit dans le 3 opération dialectique de l'esprit C1 templé dans le logicum systema 1612 soutient l'unicité de la méthode universelle toute particularis méthodus celle contre la dérive d'autre la dialectique reconnaissent à la méthode d'invention où on ne peut voir viser autant Alsted Sanderson de la duplici motodo de Digby à Méthodie Zabarel. De comtesse à la première règle, confirme une position ramiste. Avec remarque, on ne trouve pas le régula. Le régula, aucune mention d'aucune forme, ni de l'analyse, ni de la synthèse. En principaux sujet de la config, de la méthode différente. Il vous laissez batterie, la fille de l'idée joueur. Le seul même est méthode, bref, un terme écarté par la dialectique ramiste. Strict comme le C. Descartes attendra d'être interrogé sur une synthétique pour répondre. Règle fois 405 divisé par 24 omitabus omnia dialectorium. Dialectorium precepta quibus que quad dasm forma disseranda prescribut. On va discuter avec ta sœur pour voir s'il peut rentrer. Après ça, qu'est-ce qu'il peut rentrer. Tel qu'est à rien parce que l'on condamne l'art de la syllogisme. Une telle condamnation a un droit d'intervenir à préoccupe pas auparavant la matière du syllogisme de son admission en vérité. Mais si la condition est remplie du syllogisme devient admissible, ce qui est corollaire de l'éviction de seule la force concluant la forme. Il est venu chez sa peine toute la vie, elle est morte. Une fois qu'il est parti. Dialectique est déjà cité qui soumette à toute opération syllogisme préalable, rénonciation. Ils ont travaillé pour ça, c'est fou, ils sont en faire déjà. Du petit fils. Déjà, je sais. Les attaques contre le pseudo-dialectico. Alors, le fils, il peut pas comprendre ça. Anima deversion aristotelica ramé 1543 avait valu leur auteur en écrit. Ils ont pris ses noms. Aristodécie, Ramé 1543, avait l'auteur d'exclusion. Gassendi de lui avait jamais parlé d'excitation paradoxica aversus Aristoletos 1625, mentionne à préface d'être de l'auteur du Vivet Charon. Mirandol Rameau praesertim comprend dès lors de la précis véhiculée. Sans de la diffusion dialectique de la base d'Oragon, multiplicité. Mais il a aucune via permettra d'atteindre la vérité par les ressources de la raison naturelle de la règle l'Huma Spacenta présente, détachée Divina Spacenta enseignée par l'école pour être soumise à la lumière naturelle de l'esprit, aussi Universalis Spacenta que permet. Opposition générale à la science particulière. Il dit l'avion, jaugé par le naguère propos de l'éthica, maintenir la constante du défini du langage naturel, mais plutôt de la raison par laquelle la majestueuse entrée dans le suivi du piètre en usage. Notera d'abord que le Descartes à la recherche du secret de l'art 380. La décadence de délaisser le vrai amour à la sapience sont ordonnés servilement à l'amour d'un Aristote encore dialectique d'un chemin difficile, d'un chemin vers la connaissance de la science doctrine. Régulis à la diricale perducat, nature disposée à la catena définie comme ordo seri luminum ramé. A su aussi la nature dont tout il est naturel de l'invention déclarée à partir du séparé de toutes les sentences de séparé nommées au catégorème, le catégorème entre guillemets, leur doctrine catégorème entre guillemets, c'était le topi entre guillemets, c'est-à-dire le note de la doctrine ou les lieux, le siège ou le logis, le catégorème. Le catégorème pour le langage vrai de la dialectique ramé propos quelquefois pour le clairement sont appelés le principe élément terme moyen de la raison preuve argument nous userons le vocable de la raison preuve argument comme étant le reçu du cité des arts P5 entretiré l'argument est naturel entre guillemets et fait la foi de sa nature d'où vient la force de probation de sa nature. La partie naturelle de l'ingénium de l'homme dialectique se développe sous son regard. Il s'agit moins que le voir découvrir en leur exercice, en disposer pour leur meilleur usage. D'où les tableaux dichotomiques d'arguments et parsemment tous les ouvrages couramment ramiste à devenir Frégius, l'expression dominante du blocage qui avait conçu comme un simple adjuvant mémoriel, entraîné un parti courant ramiste vers un autre genre de chola. Néanmoins, à cause ramée, ils se poursuivent suivis de l'ordre de quatre causes. Déjà mélange-t-on avec 14 règles tirées du concept de cause efficient de l'écart des causes de matériel formé la finale. Avait beau jeu de comparer les deux architectoniques, l'invention dont les choses traversent la règle numéro 23 sur les choses de la cause, en effet, sur les effets de la cause initialement publiée, logique, Port-Royal, IV2, consacre un chapitre doctrine ramiste des lieux de l'argumentorium propre à l'invention régula, ne se prive de dichotomie dans le détail, règle de l'art, sens probable, méthode mathésis, dans l'ensemble de s'arrange infiltré, remarque la voix d'Orga. Ces gens qui ont appris qu'ils doivent envoyer des gens en enfer, ils devront plus vraiment, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui, le pas du Luxembourg. Acoda Venenum Scaliger a utilisé l'érythémétique dans les démonstrations. On envoie la possible au cabinet Mercedes pour qu'ils usent. Ils ont été fous des autres. Sur les affections communes à un grandeur nombre n'est plus arithmétique à géométrie. C'est bien. Tu veux un autre livre un peu plus holistique? Ouais. Là c'est des cartes, c'est pas mal, mais c'est un peu... Là c'est pas mal, ça c'est Fantamougou. C'est notre lecteur. Il est pas fou. Tu sais qu'il y a anciennement dans les années... Hubert Montaillé. La reproduction sonore des peintures sont des produits de l'art, c'est-à-dire des réalités par entière qu'il serait conséquent... Les gens veulent se savoir de lui, depuis qu'il est là. D'une peintre ou d'un dessinateur... Qui aussi la machine de ne fonctionne sur une instruction d'un fabricant, d'un opérateur. La machine avait oublié. Il n'a pas touché. Il est marchiste, ça là. Il demande d'avoir le petit copain. J'espère que la fille vient pas. Je comprends. Il a conçu les mains. Okay. Photographie a censé d'établir la réalité de ces objets, rendre invisible la palpable durant assez le temps de environ 1870 et 1930 et prise surnaturelle d'origine. C'est le présent qui m'a mis pour l'histoire de le Tepel à Quintas. L'histoire des enfants, ils aimaient pas, c'est bien fait. C'est devenu un patron grave. Qu'elle fournit à l'intention des incrédules et qui ont détruit pas le corps de la personne, ont détruit pas l'être de la personne. C'est compliqué. C'est ce qu'on fait. Ils ont détruit. Ils ont demandé le droit d'éthique ici. Le droit d'éthique a voulu pas protéger l'enfant. Il a voulu une femme hein, dans les mesures du protégé. La fille, la salle, il a mis. Le romain Les Queues de Kalinao, l'action située en 1827, ne met pas en doute l'existence de Napoléon, mais au contraire exagère quelques celles-ci, faisant que Napoléon est une chose à l'affirmation du règne universel d'un Napoléon depuis 106 ans, et une autre agit pourtant dans les domaines du phénomène de la négation. Il avait aimé Pontchéry, donc il n'était pas con de tester Pontchéry, donc il n'était pas tout con, j'ai dit au prix. Découvre qu'elle a le seul être humain possédé que l'animal de son père lui a fabriqué de toutes pièces du monde, la factice, où tous les êtres humains en représentation d'êtres humains qu'elle pourra observer munis de queues artificielles apparemment irréalisables, à laquelle l'obstination irlandaise de Sir Randolph finira cependant à venir. Et là, je ne sais pas qui va comprendre des choses qu'il a du profond de l'enfant. Ils ont bien cru en République de l'Amérique. C'est ici. Manque pas qu'il s'agit d'abord de trouver l'aménagé du site. Il disait ça sera sa dernière chance. L'arrivée d'intrus suffisamment proche, cependant, de quelques. Emmanuel Macron voulait se mêler le bassin pour dire qui veut le lit. De quelques habités, qu'on puisse assurer le ravitaillement de recevoir quelques visites organisées. De l'aide, dont sur le dûment, muni de queue, d'où habitant les femelles devront être pourvues de queue par essai naturel ou derrière probablement à une colle forte pour qu'elles risquent de fondre au soleil, circonstance de craindre l'attitude du finalement retenu. Le demeurer à l'aise a peut-être pour qu'on puisse la surveiller de près, il faudra naturellement on l'éloigner moyennement finance quelques habitants originaires de l'île qui tiennent de guerre voire imposer. Le port que le disgracieuse d'encombrante faudra-t-il effacer l'île où est l'humanité dépourvue ou révélerait le pot de rose, exemple journal dont certains dessins pourraient provoquer l'étonnement de la demoiselle Caldianose. Il a voulu dire sur le Caldianose. L'extérieur du vêtement de la main du bras devrait être partout de visible. Pourtant la lecture du journaux. Il n'est pas fou parce qu'il sera sur le président. Sans la visite du président, il fera nous le mal aux flics. Les flics vont monter son mal à l'époque. À un moment, c'était réglé. Il n'était pas le riche. D'utile même et indispensable qu'elle a interdit à Sir Randolph, à cette fille de Caldianose, montre qu'il serait fatal de visiter l'humanité et sans que l'emprise de Napoléon, l'installation dans l'île perdue, créée de toutes pièces factices, plutôt qu'essayer s'arranger en réalité, se situant au règne de ce qui existe en règne, qui n'existe pas, et évidemment, contrevance majeure de. C'est le pays des écoles, c'est rare de dire celle qui va rester au pays des écoles. Dans le discours de la méthode. De la méthode et tâcher toujours plutôt de vaincre que la fortune. Échanger mes désirs de l'ordre du monde. Et on trouvait déjà une entreprise qui est voisine dans le Yolanta, opéra Tchaïkovski, l'aurait inspiré. Le Tchaïkovski, qu'est-ce que dit Tchaïkovski, inspiré contre Anderson. Yolanta, Provence-René. Provence-René aveugle de naissance. Voilà. C'est long, tu as plus de livres là dans les dernières. C'est bien quand tu lis comme ça, tu regardes quand on met un petit peu. C'est bien avec le xylophone là. Et puis je mets un peu ta blase. Tu as rien. C'est un peu ta blase comme ça. Où il y a un autre livre là. En bas, tout en bas, la dernière là. Là. Ça, ça, par exemple, oui. Le ça te va thérapie. Là, je peux te. Je peux. Jonathan, attends, une seconde. Il a pas voulu mal après, c'est du temps. C'est l'hôpital. Depuis les temps, l'homme constatant fragilité de santé soignée par la nature, disposition des plantes de Maria Trébène, nomade libre, dont chaque maladie une plante qui pousse, cette médecine phytothérapique repose à une tradition séculaire. Le fantastique de l'homme isola le principe actif des plantes, synthétisa afin d'obtenir des produits nouveaux, découverts sulfamine et antibiotiques. Qu'est-ce que la phytothérapie ? L'étymologie du phytothérapie vient du grec phyto qui veut dire la plante et thérapia qui veut dire le soin ou le traitement du phytothérapie, le traitement, le terrain, le symptôme par les plantes. De phytothérapie et dont l'art de le soigner. Bonjour, salut Quentin. Salut, ça va, Quentin. Ah, Ernest. Quentin, ça va? Ça va, Martin. Salut, Ernest. Ça va? Ça va, Martin. Ça va? Ça va? Bon, t'as ça, Quentin, mais non, tu peux parler de ton petit. Ouais, j'ai rien à dire. Tu vas faire tout le temps. Il est comme moi, t'as vu, tu fais comme moi. Ouais, c'est pareil. Tu peux chanter en hindou, Vincent? Tu peux chanter un peu en hindou là? Mais ça, il y a peur, tu vois là. Il y a un truc spécial pour toi. Hein. Permet de faciliter l'utilisation des gélules à pratique emportée de prise orale facile ressemblant à la prise allopathique qui rentrait dans toute la mentalité. Cette forme génétique représente à l'avenir des gélules ayant des dosages précis selon des affections rencontrées. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la radio. On s'est vu à l'art plastique. Hein. Ouais. Voilà. On commence à peine. Vous pouvez prendre un micro. Quel est votre prénom ? Moi, c'est Lila. C'est Lila, voilà. Moi, c'est Aïnour. C'est okay. Rinour. C'est Aïnour. On est en direct sur internet, mais pas encore sur l'FM. Là, on va, ça va arriver. Il y a des personnes qui nous écoutent là. Oui, je crois. Je sais pas combien vous êtes. Je sais pas. Ouais, non, parce qu'on a un chat là. Et... Voilà, sur la radio. Mais là, on est en train d'essayer différents types de rythmes, de chansons. Lui, il lit, mais t'es fatigué pas. Après, ils disent les différentes théories découvertes par la phytothérapie. Le vinaigre des quatre voleurs. À Toulouse en 1628, en 1631, la peste faisait ravage et décidait de presque la population des environs, mouraient les après et autres. Pendant ce temps-là, les quatre voleurs semblaient jouir l'immunité contre ce fléau et profiter d'étrangler, pestiférer et leur propre demeure capturer le gendarme. Ils passèrent le juge et les condamnèrent à brûler vif. Ouais. En monde absinthe. De rue de lavande et de la menthe romarin et du vinaigre pour enduire le visage de la main et approfondir la peste sans danger. Le remerciement, le voleur onguant du vinaigre. Oui, bienvenue à la radio. Bienvenue, bienvenue. Ah, si, là, tu peux t'asseoir là, tu as une chaise là à côté. Oui, tu en mets ce que tu veux. Là, on est là, on va commencer dans quelques minutes. On se prépare, on s'échauffe, comme on dit. Bienvenue madame, c'est quoi votre prénom? Alors. Alors, prenez place, prenez une chaise. Vous voulez Très grand artiste. Ah oui, très grand artiste, c'est bien. Prenez, on a besoin. Hein. Bah oui, il y en a peu compris. Voilà. Donc voilà, vous avez un micro, vous pouvez vous exprimer librement. Non, je vais d'abord... Non, mais parce que lui, on fait... Après, Eddie, le plusieurs exemples, vous avez donné les fiches du technique concernant la plante. Un rubrique phyto-histoire. Mets-toi mais... plus proche de micro si tu peux là. Attends. Vincent, tu peux lui adresser le micro là un peu vers lui. Ouais, voilà. Voilà, excellent, merci beaucoup. Le ficaire au traitement des hémorroïdes et le racine évoquant la veine gonflée, le lierre semble à étouffer les arbres, indiqué comme l'amincissant récent spécialisé utilisant cette propriété en le chez l'idoine sécrétant un latex. Jaune orangé était indiqué dans la maladie du foie, ainsi que les plantes amères, probablement en raison de la saveur de la Bible, à l'habillé de la tige quatre-angulaire, sont efficaces. Il est trop gentil avec Quentin Ducul qu'il a idéalisé. Après, il dit, semble important à rappeler quelques notions botaniques, plus particulièrement à la taxicomie. Moni, et ce chapitre a pour but de vous expliquer en détail cette science de représentation plus sûre de ouvrages pertinents. De ouvrages pertinents des Mitracées. Et divine qu'il s'agit de la famille des plantes, mais il serait rarement de quoi correspondre. Oh là, j'ai mal au cœur. Bravo! Merci beaucoup. Oui, tu peux. Faut que tu t'arrêtes un peu, tu reposes, tu as lu trop, prendre de l'eau. Mais pourquoi tu te... Ben tu t'es... Faut pas s'épuiser. Attends, assieds-toi un peu, prends de l'eau. Tu vas là? Tu pars toujours comme ça? Il a chanté. Il est génial. Il me chante un peu là. Allez, montre-moi le micro. Là. Vas-y, prends le micro. Hein. Alors, on va passer la main à M. Avoisidière. Je suis un ancien des anciens. Vous savez pas quel âge j'ai. J'ai une tête qui a à peu près 60 ans et j'ai l'âge... Bah j'ai rien à dire. Tu m'énerves, monsieur le prof, là, je vais te taper. Ma prof, moi, on ne pense de rien. Tu prends quand tu veux, on se dit bonjour. Excusez-moi, le prof, excusez-moi, je recommence plus, sinon vous allez me coller. Je ne suis pas prof. On n'est pas de prof, là. Ouais, quel élève. Je ne fais rien, je ne suis pas rappé. Ouais. Voilà, on est... Ouais. On est où, là? Tu peux dire, on est où? Radio Métanoïa, Villebrard, Vincent Black. Voilà, on est sur Pinode. Et... En fait, j'ai 12 chansons, mais ouais. J'en connais que la moitié d'une, quoi. Vas-y, tu veux te lancer? Tu veux un instru ou... tu veux le même instru que tout à l'heure, là? 25 ans de rap. Le 25 ans de rap. 25 ans de rap. Mais en plus, je pensais que c'était les 25 à toi, parce qu'il est rajeuni. Lui, il a trouvé la secret de rajeunir. Il revient de l'Inde. Chaque fois qu'il va en Inde, il revient plus jeune. Ah, pardon, ouais, chaque année, il est plus jeune. Ouais. Nous aussi, on veut rajeunir. Il faut nous donner la recette. Micro, Vincent. Pourquoi vous voulez rajeunir? Vous êtes jeune. Oui, mais on veut jamais vieillir. À chacun ses plaisirs. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Il hein. Faut que tu nous racontes ton secret, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je te vois, tu es plus jeune. Comment tu fais? Bah déjà, je maigris déjà. Je perds 10 kilos déjà. Et à ça, je maigris. Je mange moins, je perds 10 kilos. Ouais. Et à chaque fois que je maigris, je rajeunis. Mais je sais pas comment je fais. Tu fais aussi l'exercice physique, quoi? Non. Même pas. Même pas. Tu manges quoi? Je mange deux petites assiettes et un tout petit déjeuner, en fait. Ouais. Et à chaque fois que je rajeunis, quand je maigris, en fait. J'ai pas de secret, quoi. Ça va avec, quoi. Ouais, si on grossit, on vieillit. Oh, attention. Wow, on est sûr. En fait, Martin. Mets-toi bien, vas-y. En fait, Martin, je crois qu'il y a plein de gens, il y a plein de gens comme ça, en fait. Il y en a plus qu'on croit qui se transforment. Oui. Seulement, les gens, en fait, ils passent par exemple dans le quartier où j'habite, en fait. Les gens, ils croient que j'ai des frères, en fait. Ils croient que j'ai des frères. C'est une famille, en fait, qu'on est plein, en fait, quoi. Ouais. Parce qu'ils ne croient pas. Parce qu'en fait, je rajeunis, mais il n'y a pas que ça aussi. Des fois, tous les un mois et demi, je change de look, en fait, d'apparence, en fait. Ouais. J'ai une autre tête, en fait. Je ne savais pas, c'est mon voisin qui me l'a dit, en fait. Et j'ai regardé les photos, et j'ai vu que c'était vrai, en fait, quoi. C'était quelqu'un d'autre, en fait, dans la photo. Ouais. Et en fait, ça existe. Hein. Il y a même des gens qui parlent les langues sans accent et tout. Hein. Ils parlent anglais. On dirait que c'est anglais, que c'est un anglais qui parle, en fait, quoi. Mais c'est rare, hein. C'est rare. Ouais, c'est rare. Mais toi, tu le montres. Moi, je sais, tu m'as montré les photos. Tu peux nous montrer les photos peut-être après. Hein. J'ai pas mon téléphone sur moi. Mais c'est pas grave, tu le fais après. Ouais. Et là, en fait, dans un mois et demi, je vais encore plus rajeunir. Dans un mois et demi. Parce que je suis en train de faire mon régime. Et je vais encore plus rajeunir, là. Oui. Donc tu vas devenir un adolescent, quoi. C'est à la fin de l'année. Pas un adolescent, mais plus jeune, quoi. Mais oui, c'est quoi la limite? Ah, bonjour Patrick. Ah, c'est le jour d'échec. Bonjour, ça va? C'est jusqu'à quand que tu vas rajeunir? Jusqu'à quel moment? Alors après, je pense qu'il y a des gens qui rajeunissent qui font 14, 15 ans aussi, peut-être. J'y arrive pas, moi. Mais je pense qu'il y en a qui arrivent à rajeunir jusqu'à 14, 15 ans, quoi. Seulement, ces gens-là, ils le disent à personne, quoi, parce que c'est secret, quoi. Ils ont pas... C'est un secret, en fait. On ne doit pas le dire aux gens, normalement. Oui. Non, on ne doit pas le dire. Mais je pense que... Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que dans le cerveau, en fait, on contrôle que 6% du cerveau, en fait. Ouais. Et en fait, mon père m'a dit que ceux qui ont atteint le nirvana, enfin la sagesse, le truc, et ben, en fait, ils vivent éternellement. C'est ce que mon père m'a dit, en fait. Ouais, moi, je ne sais pas. C'est la théorie hindoue, le nirvana, il habite dans les intermondes. Qu'est-ce que vous pensez, vous? De la jeunesse comme ça, de rajeunir, de l'éternelle vie, de la nirvana, tout ça, vous avez entendu parler de ça ou pas, un jour? Oui, hein, mais j'ai pas vraiment d'opinion dessus. On va tous vieillir un jour, malheureusement. Sauf Vincent. Sauf Vincent, parce qu'il reste éternellement jeune. Et vous, attendez, c'est quoi votre prénom, allez-y. Alors. Attendez, quel numéro c'est votre micro? 3, allez-y. 3. Pourquoi ça marche pas? Attendez, 3... Si, c'est tout marche. Vous entendez là, si. Ah voilà, là vous entendez. Attendez, je vous l'échange. Une seconde. Tu m'entends? Oui, tu m'entends. Ok. Voilà, voilà. On est de retour sur Métanoïa. Alors, c'est quoi votre prénom ? Alors. Oui, Alors. Oui. Bienvenue, Alors, sur Métanoïa. Et... Je revendique aussi la jeunesse éternelle. C'est pour ça. Oui, oui, non, mais c'est parce que là. On a la chance. Oh, là, c'est les câbles. Micro, Vincent, prends un micro. Tu as deux micros devant toi. Prends un micro. Ouais, il y en a qui arrivent à voir, en fait. Avant, je n'arrivais pas, mais il y en a qui arrivent à voir. Par exemple, toi, Martin, tu arrives à changer de look aussi. Elle aussi. C'est ma spécialité. Et en fait, il faut rester secret, quoi, en fait, quoi. Parce que si on veut échapper à des gens, on part quelque part, et après, ils ne nous reconnaissent pas, ils disent que ce n'est pas nous, et après... Ah, c'est pour ça ? Tu crois ? Moi, je ne savais pas. Non, moi, je n'ai pas de délit de fuite, et la CIA ne me recherche pas, contrairement à Vincent. C'est pas pour m'enfuir. Moi, je suis recherché par la CIA. Apparemment, non, mais moi je ne fuis personne. Je tiens à dire que j'assume mes différentes têtes. La CIA, moi, je sais pas. Bah, bien sûr, je dis ça pour rigoler. Ah oui, mais qu'est-ce que vous pensez de les autres ? Vous pensez qu'on peut rajeunir dans la vie, aller dans l'autre sens du temps, renverser le temps ? Je pense oui. Attendez votre micro, pourquoi ça marche ? J'ai l'impression que ça marche pas. Oui, si, ça marche. Parlez, vas-y. Oui, c'est bon. Je pense qu'on peut rajeunir, oui. Comment ? Ouais. Je finis parce que je parle. Non, vas-y, tu peux parler. Mais ce qu'il y a, en fait, par exemple, par rapport aux maladies mentales, il y a des gens, en fait, qui guérissent en une semaine. C'est la vérité. Ils sont malades mentales et en une semaine, en une journée, ils n'ont plus rien. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont vécu des traumatismes quand ils étaient jeunes et ils ont beaucoup de qualités, ils ont compris des trucs et ça reste en eux une journée et après, ça part, quoi. Et en fait, on peut... On peut guérir très vite, quoi. Guérir de quoi ? De la maladie. De la vie. Vous connaissez Benjamin Button ? Ouais. Ah, parce que c'est quand même le héros des rajeunisseurs. Ah oui ? Oui, il y a un petit peu l'histoire, mais racontez-nous, parce que tout le monde ne connaît pas. Bah, il commence sa vie à l'âge de 80 ans, je crois. Et toute son histoire, en fait, c'est sa vie à l'envers. On le voit rajeunir au fur et à mesure jusqu'à redevenir pas tellement bébé. Voilà, exactement. Jusqu'à à la fin, on ne peut pas voir, mais on imagine qu'il disparaît presque parce que voilà, il revient à l'origine de l'origine. Et c'est un film avec Matt Damon, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'est un standard hollywoodien. Oui. Attention, le micro, pas le pousser comme ça, sinon ça... Et oui. Et puis les réalisateurs, ils en ont vu des choses. Hein. Ils en ont vu des choses. Ils ont envie de quoi, tu dis ? Ils en ont vu des choses, les réalisateurs. Mais oui, oui, ils vont inventer des histoires. Hein. Sinon, ça marche pas. Mais oui, il y a une histoire aussi d'un taoïste, Lao Tse, qui est né à 80 ans, très vieux, et à mesure que la vie passait, il devenait plus jeune. Il est mort comme un adolescent, avec une petite barbe d'adolescent, comme ça. Dans Tintin, Lao Tse l'a dit, c'est lui ? Peut-être c'est lui, enfin je sais pas, moi je connais pas très bien Tintin comme d'autres gens. Parce que il y a toujours une référence justement au vieux sage Lao Tse. Ah oui, Lao Tse, c'est vrai, mais oui, Lao Tse, je pense qu'il y a un seul. Hein. Mais comme la preuve qu'on peut, rajeunir quoi. Vas-y Vincent, quelle autre chose tu veux nous raconter aujourd'hui? On va faire une partie d'échecs avec Patrick. Ouais, tout à l'heure. Patrick, bonjour, bienvenue. Prends un micro, Patrick. T'es un homme de micro, là, les quatre. Patrick, en fait, lui, il fait un délire dans les échecs, quoi. C'est-à-dire qu'il se rappelle de toutes ses parties qu'il a jouées, les S de main, trucs. Il fait un délire comme ça dans les échecs, quoi. En fin de compte, aujourd'hui, j'ai joué contre Ahmed deux parties à cadence classique, sans pendule. On a joué longtemps, on a joué deux parties. La première partie, j'ai gagné la partie. Il m'a dit j'abandonne. J'ai fait un clouage. J'ai fait une menace d'échec avec échec et mat. Et Ahmed, quand j'ai joué contre Ahmed, Ahmed, c'est un monsieur très fort qui joue très bien. Et je peux dire qu'il est extrêmement doué. Mais il arrive à faire des bons scores contre moi. Mais je reviens. Et quand je joue sur le pendule, quand je suis à cadence lente, quand quand là j'ai eu une mauvaise période où j'ai eu beaucoup de défaites, mais j'ai eu des matchs nuls, mais j'ai eu des petites victoires, mais seulement contre Ahmed. C'est un monsieur de 70 ans qui joue au club, qui joue avec moi. On a joué ensemble. On a des bons joueurs bondis. Ahmed, il a joué contre moi cette partie-là. On a joué une partie qui s'appelait. J'avais les blancs. Donc c'était une partie qui était. J'ai joué des coups intéressants. Et puis après j'ai réussi à avoir une super opportunité à un moment. Il a bougé son pion de deux cases et j'ai fait la prise en passant. J'ai menacé sa dame avec son cavalier et avec mon fou qui était sur la diagonale et avec ma dame qui était sur le H3, je menaçais un échec au roi. Et s'il bougeait le pion, bah, il était échec. Donc je menaçais de prendre le pion et de prendre la tour et faire échec et mat. Donc il était perdu, il a abandonné. La deuxième partie, ce qui est passé, c'est que dans la deuxième partie qu'on a joué ensemble, ça durait plus longtemps. Et j'avais une domination avec une pièce de plus. Et j'avais une tour avec un fou contre une tour. Et lui avait un peu passé. Seulement, ce qui se passe, c'est que j'ai eu des. J'ai fait un coup. J'ai cru que j'avais tenu le bon coup, mais seulement ce qui se passe c'est que il a fait un échec au roi contre moi et après il a réussi à gagner une de mes pièces et j'ai gagné une de ses pièces et il a gagné une de mes pièces. Et finalement, je me suis retrouvé avec le roi, avec trois pions. Et lui, il avait le roi avec trois pions et un pion. Quatre pions, non, roi et quatre pions. Mais il avait un pion passé. C'est passé, on a échangé les pièces. Et finalement, j'avais une pièce de plus et j'ai perdu la partie. Et j'aurais dû la gagner. Il a fait un coup, il m'a tendu à un piège et je suis tombé dans le piège et je jouais, j'ai pas vu que la tour était là et finalement il a gagné la partie finalement et donc j'ai perdu la partie mais j'étais dominateur, j'ai perdu la partie. Voilà. Bonjour Christiana, bienvenue. Bon, c'est les chroniques des échecs, hein. Notre chroniqueur des échecs, Patrick, il connaît tous les échecs, il connaît tous les jeux, les champions, les anecdotes. Voilà, c'est un grand joueur d'échecs, hein, Patrick. Donc, si vous voulez jouer d'échecs. Non, Christiana, tu peux t'asseoir, bienvenue. Hein. Et voilà. Tu peux t'installer, là, on va parler. Et Vincent, tu voulais nous faire un petit rap, là ? Vas-y. Tu veux faire quoi ? Tu veux nous raconter quelque chose ? Vas-y, parle des échecs. Oui, ouais. Allez-y. Hier, la semaine dernière, vous avez parlé de quoi ? Vous avez fait un débat ou pas ? Sur quoi ? Ça change tous les temps. Hein. On parle de différentes choses. Enfin, à chaque fois, on choisit un sujet différent et on aborde ça. Oui, Isabelle, prêtez un micro, Isabelle. Ouais. Je peux répondre à la question, ouais. Parce que je suis un petit peu la secrétaire de ce groupe radio. Et donc, on marque les présents et tout à la fin, tu as marqué sujet et playlist. Alors, la semaine dernière, Vincent a parlé de comment gagner de l'argent. Oui, c'est vrai. Bastien a chanté sur Michel Jonas. Bastien, c'est celui de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Jean-François nous a parlé d'astrologie et de voyance astrale. Christiana nous a parlé de célébrité. Manon, je ne vois pas qui c'est. Ah oui. Ah, je connais Manon. Si, Manon, oui. Elle a chanté Moi Lolita de Alizé. Et Jason, qui n'est pas là, c'est assez étonnant. Non, Jason, oui. T'es où, Jason ? Alors, lui, tu viens ? Nous a parlé de reporter footballistique. Voilà. On fait un petit voilà, tu vois, merci. Comme là, aujourd'hui, j'ai commencé par le rajeunissement, le sujet de Vincent, ouais. Et là, les jeux des échecs de voilà. Patrick. Christina, tu peux prendre le micro qui est derrière toi, tu l'as sur le... Tu le défais là, tu l'enlèves. Attends, voilà, comme ça. C'est quoi le numéro tôt? C'est les 5, voilà. De quoi tu veux parler? Bienvenue, Christina. Ernesto, tu peux t'asseoir aussi, viens, bienvenue. On est en ligne déjà sur Pinode, sur le DAB. Et... Moi, je voulais parler de la... Comme, tu connais les... Comment on dit ça? T'as dit qu'on va faire une rubrique sur l'amour. Qu'est-ce que je dis, moi? Quoi? La dernière fois, elle a dit... Christina fait des rubriques sur l'amour. Ah, la chronique de l'amour. Oui. Voilà. Donc, tu vas parler quoi aujourd'hui, Christina? Bon. Alors. On tombe amoureux. On tombe amoureux. On est content d'être amoureux et tout ça. Et après. Après quoi ? Oui, on est content d'être, on est joyeux parce qu'on est amoureux de quelqu'un. Et après, temps après, ça se passe mal. La personne elle nous trompe. Pas forcément, hein, ça finit pas toujours mal. Heureusement. Tu crois que toujours ça finit mal, Christiana ? Bah, c'est ça qu'on voit dans les films. En général, les histoires d'amour finissent mal en général. Vous croyez? Ah, c'est la chanson. C'est oui, la chanson. On va la mettre après. Hein. Mais vous avez une autre opinion. C'est quoi votre prénom déjà? Lila. Lila. Et qu'est-ce que vous voulez dire de ça? Vous n'êtes pas d'accord? Que ça finit pas toujours mal. Il y a toujours de bonnes fins. Et quoi comme bonnes fins? Bah, de bonnes fins. On peut finir à vie avec la personne, avoir des enfants ou pas, ou avoir des projets ou pas. Parce il faut tomber sur la bonne personne alors. Il faut tomber sur la bonne personne. Et dans les dans ma rubrique d'amour, on tombe amoureux d'une personne et un jour on ne sait pas ce qu'on a dans la tête, on tombe amoureux d'une autre personne et ça c'est compliqué. Vous pensez quoi de ça? Je pense qu'on peut pas tomber amoureux de deux personnes. C'est que on n'aimait pas peut-être tant que ça l'autre personne. Ou peut-être que l'amour, il était différent. Exactement. Vous voyez de la personne, mais d'une autre manière. Et vous pensez qu'on peut pas tomber, qu'on peut pas avoir deux amoureux. Je pense que ce serait compliqué d'en avoir un. Déjà, ça va être compliqué. Alors deux. Après, je pense que tout dépend de la personne avec qui on est, comment elle voit les choses, comment nous voyons les choses. Donc, mais en tout cas... Vous êtes quoi comme religion, vous ? Religion ? Oui. Ah, parce que l'amour, ça a à voir avec la religion ? Bah oui ! Bah, pas forcément. Vous êtes quoi Je suis ce que vous voulez. Parce que moi, je connais, il y a des gens, dans la rubrique de l'amour, parce que je fais toujours les rubriques, sur la rubrique sur l'amour, il y a des gens, ils tombent amoureux de quelqu'un, et ils sont amoureux de la personne, mais ils tombent amoureux de quelqu'un d'autre. Il y a ça aussi. La personne, tu tombes amoureux d'elle, et elle veut changer de sexe. Comment tu fais? Après, ça, c'est différent. Je laisse la parole à ma collègue. Joker. Justement, c'est son problème. Et vous restez avec elle? Avec lui ou elle? La personne t'a changé de sexe. Tout dépend de ton... Après, c'est comme si tu changeais d'orientation sexuelle, alors. Non, différent. Tu ne changes pas d'orientation sexuelle. Tu restes avec ton... Bah, si tu es avec un homme, l'homme devient femme. Et si tu n'es pas attiré par les femmes... et tu ne veux pas changer d'orientation sexuelle, bah, il n'y a pas d'autre choix que de quitter la personne. Après, sans pour autant le quitter en mauvais termes ou quoi, on peut très bien rester amis. Comment on peut bien le prendre? Oui. Alors, je ne suis pas dans la peau de la femme qui a deux enfants avec, ou de l'homme d'ailleurs, hein, peu importe. Mais par contre, non, je revendique le fait qu'on puisse aimer de plein de façons différentes. Mais avoir plusieurs amoureux, pourquoi pas? Bien, la polygamie, ça pose aucun problème. La polyandrie, moi, je suis d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas avoir deux amoureux? Pourquoi pas trois, d'ailleurs? Et je suis d'accord Alors, religieux, je ne sais pas, mais sociétal, en tout cas, les représentations qu'on a du couple et de l'amour, oui, il y a des représentations qui sont forcément sociétales, induites par les religions. Enfin, voilà, bref, après, voilà. Mais, spontanément, on peut être fait pour s'aimer. Faut avoir beaucoup d'amour à donner, alors. Mais l'amour se multiplie, il ne se divise pas. Attends, moi, je voulais dire quelque chose, mademoiselle. Oui, dites-moi. La personne, elle change de sexe. Si mon copain change de sexe. Oui. Je reste quand même avec lui. Je ne veux pas le quitter parce qu'il a changé de sexe. Bah après, changer de sexe, c'est compliqué. Parce que si tu n'es pas attiré par la personne... Je ne sais pas, peu importe. Mais si tu n'es pas attiré par le sexe même ou le sexe opposé, on fait comment? Bah tu le quittes. Bah voilà. Et par amour. Que je disais. Parce qu'on ne va pas le changer. Exactement. Et donc, l'amour fait qu'on accepte. Exactement. On accepte, on comprend. Donc on peut aimer cette personne-là à distance et en aimer une autre de près, par exemple. Non, pour illustrer... Je suis d'accord. Par exemple. Oui. Mais on peut en aimer plusieurs de près, hein, si on a envie. Après, bien chacun sûr. Est libre. Hein. Bien sûr. Bah, l'amour télépathique, vous dites, à distance. On aime à distance aussi. Hein. On peut aimer une personne. On peut aimer une personne, on la connaît pas. On peut aimer une personne, c'est comme si moi, j'aimais un acteur. Je l'aime, mais je ne pourrai jamais le voir. Ça s'appelle l'amour fantasme. Oui, c'est l'amour des troubadours. Hein. Vous savez que l'amour, le concept d'amour, ça est venu comme ça. Les poètes troubadours sont tombés d'amoureux des gens qui n'ont jamais vu de leur vie. Ouais, vous vous revenez, parce que ça, c'est le cœur du discours. Donc, par exemple, un poète, Geoffrey Rodel, il a entendu parler d'Aléonore d'Aquitaine. À l'époque, il n'avait pas de photos, il n'y avait rien. Donc, il a entendu tellement parler d'elle qu'il est tombé amoureux. Et il est parti la chercher. À l'Angleterre, quoi. Et il est arrivé, il est mort dans ses bras, il paraît, c'est la légende. Mais voilà, les gens, ils ont inventé l'amour, justement, comme quelque chose de la distance. Oui. C'était presque inatteignable, en fait. Mais qui, ça, motivait la poésie, justement. C'est l'invention de l'amour. Ouais. Et toi, Christiana, qu'est-ce que tu penses, toi, personnellement, de tout ça? Moi, je pense pas avoir deux amoureux ou trois amoureux. Mais en fait, moi je dis, c'est la personne, tu décides. L'autre, si l'autre personne est d'accord que l'autre personne a un autre amoureux, c'est eux deux, tu décides. Eh oui. C'est eux deux, tu décides. Oui, voilà. Et les autres, vous pensez quoi, les autres, les garçons, là? Tu veux prendre un micro? Là, tu as un micro devant toi. Moi? Oui, vas-y. Moi, je pense que c'est immature de penser... d'avoir deux amoureux. Ah oui. C'est mature, c'est la jeunesse. Qu'on ne comprend pas la personne, qu'on peut lui faire un grand mal. Si l'autre personne est d'accord. S'ils sont tous les deux d'accord, non? Non, je pense que c'est immature. Je pense que c'est ça, en fait. Qu'est-ce que vous pensez les autres? Quentin, tu penses quoi? Ernesto? Prends un micro là, il est devant toi, il y a un micro là, sur le feutre, tu as un micro. Mais vas-y, Ernesto, on n'entend pas ta voix depuis longtemps. Elisabeth, Patrick, tu as une idée de ça? Vas-y, prends ce micro, ouais. Ben, je pense que l'amour, je crois qu'il y a tellement de couples divorcés, de gens qui sont, des hommes qui tuent leur femme ou des femmes qui tuent leur mari, ils sont, ça marche bien au début, et j'y crois pas trop moi. Ouais, bah, mais ça il y a des histoires qui finissent mal, mais des histoires qui sont bien aussi, hein, des gens qui sont heureux, hein. Mais tu vas loin là, tu vas très loin. L'amour, c'est les gens, tu divorces, c'est des gens qui s'entendent pas, ils sont pas compris. Mais pas avec le micro. Parle le micro. Ouais, il faut parler au micro là, les amis. J'ai entendu parler de beaucoup de couples divorcés. Oui, il y a ça aussi. Oui, ça c'est véridique, hein, c'est constaté. Il y a beaucoup plus. Voilà, mais je pense qu'à moi, mes parents, 68 ans de mariage, voilà, c'était ma mère m'a élevée, c'était tout à fait une autre époque. Donc, puis il était hors de question qu'il y ait un divorce. C'était tout au début, c'était la honte de la famille, quoi. Tu t'es marié, ben c'est pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Oui, voilà. Mais aussi pour se divorcer. Sauf que après, il y a eu cette les gens de mon âge et peut-être aussi à l'époque de ma mère, les femmes se sont mises à travailler, à devenir autonomes, à avoir sa paye, à vouloir faire ce qu'elle veut quand elle veut. Enfin, il y a eu une libération de la femme. Et voilà, maintenant, c'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus de divorces. C'est ben maintenant, ben, je ne suis pas content, ben, hop, je me barre parce que j'ai les moyens, j'ai une paye, je peux me trouver un appartement, voilà, et je me barre, quoi. Non, mais aussi pour divorcer, il faut d'abord se mettre ensemble. Ah oui, non, mais moi, je te parle de après, justement, une fois qu'on est ensemble, après, comment ça se passe. Ouais, évidemment. Il y a un très beau texte. Commence par être d'abord ensemble. Du philosophe Alain Badiou, hein, je ne sais pas si vous connaissez le philosophe, il dit Éloge de l'amour. Il dit justement ça, qu'avant, l'avant-garde, c'était voilà, c'est quitter, avoir multiples couples, etc. Mais qu'aujourd'hui, l'heure d'aujourd'hui, qu'on peut quitter quelqu'un facilement, rencontrer quelqu'un d'autre, etc. L'avant-garde, enfin, l'expérience révolutionnaire, c'est durer. Voilà, et dépasser le moment. Mais bon, c'est pas du vrai. Chacun a sa liberté de penser. Moi, je trouve, si tu trouves quelqu'un facilement, ça veut dire que tu n'as pas aimé la personne. Non, tu sais. Bah oui, tu ne l'as pas aimé. Pourquoi tu trouves quelqu'un facilement? Parce que ça, quand tu as aimé une personne, t'attends, tu pleures pour elle, tu es triste. Pas forcément. Pourquoi tu vas être triste si tu aimes quelqu'un? Non, tu es triste quand elle part. T'es déprimé. Ou des fois, tu es content d'être un peu aussi seul, non? Pas tout le temps avec l'autre personne, c'est bien d'être un peu seul aussi, non? Vous trouvez? Bah, je pense que pour aimer, c'est important de savoir être seul. C'est de pouvoir, c'est, comment dire, être heureux en étant seul pour pouvoir aimer l'autre, pas comme un complément de ce qui te manque, sinon comme autre chose d'autre. Parce que sinon, on a tendance à chercher chez l'autre ton bonheur. Je ne sais pas si je m'explique. Mais qu'est-ce que vous pensez, les autres? Vous. J'ai oublié de votre prénom. Anne-Laure. Anne-Laure, qu'est-ce que vous pensez? Je suis d'accord avec vous tous. non, c'est vrai en plus. Je flatte personne, je ne suis pas comme ça. Je trouve que... Excuse-moi, c'est comment ton prénom? Christiana. Je trouve que ces constats, ils sont... et ces interpellations, elles sont intéressantes. Est-ce qu'on peut aimer à tout prix, à n'importe quel prix, n'importe comment, avec n'importe qui? C'est un peu ça, hein. Elle le dit autrement, mais c'est un peu ça. Et il y a un grand cœur aussi qui nous a parlé juste en face. Et lui, il ne veut pas partager, je comprends. Et c'est un peu tout ça, l'amour, peut-être, aussi. Voilà, enfin, en tout cas, je pense qu'on a tous ça... ces versions même, qu'elles évoluent en plus avec qui nous sommes au fil du temps. Et par contre, je pense que l'amour, ça fait partie des secrets qu'on ne révèle normalement pas du monsieur qui est en train de jouer de Vincent. Que c'est ouais, Vincent. Un des secrets de la jeunesse éternelle. Voilà. Vincent, mais je n'en dirai pas plus. Vincent, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur l'amour? Micro, s'il te plaît. Bah, moi, en fait... J'ai vécu une histoire d'amour très, très douloureuse. Hein. Vous saviez, non, Isabelle, vous saviez. Hein. J'ai vécu une histoire d'amour très douloureuse. Hein. Ah, on laisse tomber, quoi. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis indien, en fait, je ne peux pas avoir de petit ami maintenant, quoi. En fait, il faut que je me marie. Comme j'ai 45 ans, ma mère, elle a mis la bague, là, elle est là. Et en fait, je ne peux pas avoir de petit ami, en fait, quoi. Et avant, j'étais très timide et très compliqué. Et je suis sorti de ça, en fait. Là, je suis sorti de ça. Et maintenant, je ne peux pas avoir de petit ami, en fait, quoi. Mais pourquoi? Parce que ce sera un mariage arrangé, en fait, quoi. Ce sera un mariage arrangé. Et donc, en fait, bon, pour revenir à l'histoire d'amour douloureux, c'est qu'il y a des filles, en fait, elles vous disent ça, elles sont amoureuses, on va se marier, on va faire ça. Et en fait, après, elles vous quittent. Et un an après, elles vous disent qu'elles veulent... Non, un an et demi après, elles vous disent qu'elles veulent revenir avec vous. Vous, vous ne voulez pas. Et en fait, elles font tout pour vous manipuler. Il y a des femmes comme ça, c'est des femmes manipulatrices. Elles vont parler à vos parents... Et après, vous êtes là et vous voulez pas, quoi. Mais comme les schizophrènes sont des gens qui ont été manipulés par des gens, c'est très fréquent, quoi. Ouais, je sais. Et bah, en fait, ouais. Vas-y, continue, on t'est content, on t'entend. Jason, tu as une chaise là, rien. Et en fait, c'est du fantasme. C'est ça, comme ben ça. Et mon voisin, il me disait, oui, mais pourquoi tout ça pour cette fille? Pourquoi t'es pas sorti avec une autre fille? Elle m'a dit ça, en fait. Il m'a dit ça, le voisin. Mais en fait, c'est pas si simple. En fait, c'est pas si simple. Ah oui. Jason, tu penses quoi de l'amour? Je sais pas. J'ai pas, pas assez d'expérience. À moi de jouer. Mais tu as quand même une. Hein? Ouais, quand j'étais petit. Ouais, non, pas quand t'es petit, là, quand t'es adulte. Non. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un âge où l'amour commence? On peut être amoureux. Moi, j'étais amoureux aussi à 12 ans. Quand j'étais petit, c'était sérieux aussi. Ah, c'était sérieux comment? Explique-nous. À 3 ans, on peut... Non, à 5 ans. À 5 ans? Ouais, jusqu'à... Ça a duré 3 ans. Hey, c'est fidèle déjà, c'est fidèle à cet âge-là. Ah oui, merci. Hein, moi, j'étais amoureux à 2 ans. J'ai tombé amoureux 2, 3 ans. En fait, tout ça pour conclure, je suis jamais tombé amoureux. Je sais pas, en fait, c'est quoi être amoureux, quoi. Ah, ça m'est jamais arrivé. Bon. L'amour, c'est... Bah, l'amour, c'est beau, c'est magnifique. Mais à ce qu'on dit, en fait, c'est que les femmes tombent plus facilement amoureuses, elles vous oublient facilement. J'avais déménagé, alors. Mais quand un homme est amoureux, là, c'est pas pareil. Un homme amoureux, il peut tomber amoureux d'une femme. Parlez de... Attends, Vincent, tu peux répéter parce qu'on est... En fait, les femmes tombent facilement amoureuses, à ce qu'on m'a dit, quoi. Mais les hommes, en fait, ils tombent amoureux plus difficilement. Mais quand ils sont amoureux, c'est dur, quoi. Ouais, mais ça, c'est un peu des préconçus, je crois. Hein. C'est je pas forcément... crois pas ça, moi. Non, je pense que c'est un peu pareil, non, pour les deux côtés. Tu disais quoi, Jason? Je disais, après que j'ai déménagé, on a arrêté. Ah, c'est à cause de la distance? Ouais, c'est ça. On parlait tout à l'heure, c'est ce qu'on peut aimer à distance? C'est une amie d'enfance. C'est une amie ou c'est une petite amie? Bah, les deux. Ah, tu vas pas bêcher, là. Ah, on peut être petite amie. D'accord. Je savais pas. Tu veux comment elle s'appelle? Johanna. Johanna, est-ce que tu entends l'émission des radios, s'il te plaît? Jason, il a déménagé, il pense encore à toi. Tu peux nous appeler au numéro. Tu peux appeler au numéro de la radio, je ne connais pas par cœur, mais il est par là. Sinon, on donne un autre, 06 58 49 01 01. 06 58 49 01 01. Jason est là, il a déménagé, il a grandi, mais le cœur est là. Une fois, j'avais croisé à Leclerc avec sa mère. Il avait dit qu'il viendrait nous voir, ils ne sont pas encore venus. Ah bon, ils sont pas encore venus, mais t'inquiète, ils vont venir. Ouais. Prie, ça, c'est venir. De l'amour, ça. Bah, ça, c'est de l'amour, voilà. Des fois, on va manger chez eux, avec son frère. Et... Tu la vois encore? Non, c'était avant. Tu la voyais avant? Oui. Elle est venue belle? Avec son... Non, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, mais... mais elle a grandi. Elle a grandi, mais elle a... Elle n'a pas changé. C'est-à-dire quoi qu'elle n'a pas changé? Sa coupe de cheveux, elle n'a pas changé. Elle est toujours aussi belle? Oui. Une blonde. Blonde espagnole. Ah, oh, une bonne espagnole. Bon, on va mettre un petit morceau de musique. On parlait tout à l'heure de Rita Mitsuko, l'histoire d'un mot qu'on parlait de, qui finissent mal. On n'est pas d'accord tout le temps. Des fois, ça finit bien. En fait. Des fois, ça commence bien. Des fois, ça finit pour mieux commencer. Nicolas, mais Nicolas, On est sur Métanoïa. Oui. Oui, voilà. On est de retour sur l'amour. L'amour, la musique, l'amour, la musique, l'amour, la musique, la musique, l'amour. Oui. Moi aussi, j'ai un petit truc à dire. Parce oui. Vincent, tout à l'heure, il a dit, je ne sais pas ce que c'est que l'amour. Ah, bon, et, oui. Et alors, j'ai envie de dire, je crois qu'on est beaucoup de filles parce que j'en ai parlé, voilà. Attendez, parce qu'on revient, parce qu'on revient, il y a eu des problèmes. Non. Attendez, je vais lui répondre. Ouais. Oh, je viens lui répondre aussi. Toujours en Bourgogne, c'est comme ça. Et est-ce qu'on revient là? Non, connecting. Oui, on est de retour. On a eu un problème de connexion avec la super connexion de l'hôpital. Voilà. Allez-y. Alors, c'était juste pour répondre à Vincent qui disait tout à l'heure, je ne sais pas ce que c'est l'amour. Et j'ai envie de lui dire, t'es amoureux quand tu ressens des petits papillons dans ton ventre. Vous le connaissez? Alors, moi, j'ai surtout les papillons dans le ventre de ce que je me rappelle. Et je trouvais ça trop, trop mignon. Oui, c'est voilà. Vrai. Et Vincent, t'as jamais eu des papillons? Non, et des, peut-être d'autres. C'était quelque chose de fort quand même. Ouais, alors, je sais pas, t'as peut-être eu des lucioles. Prends un micro là, C'était quelque chose de fort quand même. C'était des libellules c'était alors. Quelque chose de fort. Mmh. Sûrement. Après, elle a parlé à mes parents, elle a dit, et ma mère a dit, elle était très bien, elle a dit, parce que je l'ai présenté à ma mère, c'est la seule fois où elle l'a vu, quoi. On a toqué à la porte, et c'est la seule fois toute ma vie où j'ai présenté une femme à ma mère pour le mariage, quoi. Et en fait, après, ça s'est pas fait, quoi. Mais j'ai pas compris pourquoi ta mère t'a mis une vague sur le. Non, ça c'est pour la femme que je l'ai épousée, en fait. Ah, c'est pour le futur? Mais oui, mais c'est avec quand tu la trouves, tu mets la vague, pas avant. Le mariage arrangé, on peut, je sais pas si on peut aimer quelqu'un si on est marié avec une personne qu'on connaît pas. L'amour, ça peut venir après. Tu crois? La plupart du temps. Comment? Vous croyez que l'amour peut venir après? Je suis pas sûre de ce que je dis, mais je pense qu'au fur et à mesure, à force de vivre avec la personne, de la connaître, de partager sa vie avec, je pense que l'amour peut venir petit à petit. Ça s'appelle la compromission, ça. Pardon. La compromission, ça s'appelle ça. Ok. Non, mais je dis, c'est mon opinion. Hein. Je vais le dire un peu virulemment parce que je partage. Ah, vous êtes pas d'accord avec ça? Avec le fait que l'amour peut venir après? Moi, je pense pas. On se raconte une histoire. Ah, si! Je pense que la personne peut se raconter cette histoire-là, mais ça s'appelle la compromission. Dans ces cas-là, j'appelle plus ça de l'extérieur, oui. J'appelle plus ça de l'amour. Que la personne de l'intérieur, elle appelle ça de l'amour, peut-être. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de vérité, ce qui s'exclut, surtout sur ces sujets-là. On n'est personne pour savoir exactement ce que c'est que l'amour. Là, par contre, là, c'est effectivement une opinion personnelle à laquelle je tiens, qui est la liberté d'aimer. Et donc, à partir du moment où il y a quelque chose d'arrangé, on n'est plus libre d'aimer. Et où il n'y a pas de liberté, il faut le chercher, l'amour. Après on n'est pas obligé d'aimer. C'est ça le... Mais la question, c'était, est-ce que quand c'est un mariage arrangé, finalement, on s'arrange avec l'amour? C'est ça, la question. Après, on n'est pas... Mon micro, il fonctionne pas, je crois. Si, il fonctionne. Si. Après, on n'est pas vraiment... Non, il fonctionne pas. Si, il fonctionne, je vous entends bien. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Après, on se retrouve pas à être obligé d'aimer, parce que les sentiments, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Donc, si ça vient, je pense pas qu'on a été obligé. Je pense juste que c'est venu comme ça. Vous êtes d'accord que si on vous dit, tiens, tu vas aimer cette fraise au chocolat et t'auras rien d'autre à manger, au bout de 3 jours, si j'ai pas mangé, si j'ai rien mangé d'autre, je vais finir par aimer cette fraise au chocolat. Hein. Moi je pense pas. D'accord. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi non plus, je suis pas d'accord. Oui. Si on n'aime pas quelque chose, on n'aime pas. On peut pas se forcer. Alors que si. Mais le mariage a été arrangé en fait. Donc le on mariage a, plus a été trop arrangé, choix. Oui, mais pas l'amour. C'est ça que je veux dire. Ok, le mariage, le fait de cohabiter, de faire une vie avec la personne, oui, ça a été arrangé, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'aimer la personne n'a pas été arrangé. Le fait d'aimer... À partir du moment où ça a été arrangé, en fait. La cohabitation. À partir du moment... En fait, on est d'accord. Après, c'est simplement la fin de l'histoire, on n'est pas d'accord. Mais le début, on est d'accord. Bien sûr. Ça a été arrangé. Oui. Moi, mon point de vue, c'est qu'à partir du moment où ça a été arrangé, ça ne peut pas se désarranger. Ou en tout cas, ça peut pas s'arranger dans le bon ordre si on n'est pas, ça a pas commencé dans le bon ordre. C'est mon point de vue, c'est pas le vôtre. J'ai bien compris. Mais on est juste d'accord sur le point qui est, il y a de l'amour arrangé. Est-ce que l'amour, quand il est arrangé, est-ce que la personne est libre véritablement d'aimer? Je sais pas. Est-ce qu'on est même libre d'aimer nos parents? J'en sais rien. Est-ce qu'on est, je sais pas. Je sais pas. Parce que regarde, si on tu vous voyez Marie-Antoinette et Louis XVI, c'était un mariage arrangé. Mais est-ce toi tu pourrais coucher avec un quelqu'un que t'as jamais vu de ta vie? Alors c'est ça que je dis. Après, on n'est pas obligé de coucher en étant amoureux, par exemple. Donc ça c'est une chose encore différente, je pense. Et si ta famille elle te dit tu dois coucher avec cette personne, comme lui, Marie-Antoinette, elle doit à tout prix faire un héritier. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Surtout les histoires dans ça, c'est des obligations physiques. Les histoires dans les familles. Pour l'amour, c'est pas physique. Enfin, si, c'est physique. Mais je veux dire, les sentiments, ça se contrôle pas. On peut pas prendre un sentiment comme ça, le retirer et le donner. Tu vois ce que je veux dire? Alors que coucher avec une personne de force, bon, malheureusement, ça se fait. Donc voilà. Les histoires en fait de bons partis en fait, il y a des gens en fait c'est des bons partis, c'est à dire en fait que si moi j'en rencontre une femme, mon père il a acheté un appart, acheté cash et plus il a une maison, un truc, plus il a sa voiture. Donc il y a des filles en fait qui sortent, qui se disent ah lui c'est un bon parti, on va s'aider. Vincent, tu me présentes à ta mère ou pas? Et attends, et en fait la fille que j'avais rencontrée, elle aussi c'était une fille qui avait un bon parti en fait, c'était un bon parti elle aussi quoi. Elle était riche alors. Elle m'avait fait, en plus c'est... Ouais, mais qu'est-ce que tu vois, je parle, c'était il y a longtemps en fait, mais bon, pour ça c'est fini ça, mais... Ça vous a marqué? Ouais, plus maintenant. Mais alors, en fait, c'est quoi, bah, c'est en fait, parti en fait, il y a mes potes d'enfance, en fait, ils étaient tous des bons partis. Et les filles, elles ont fait des enfants jusqu'à... Ils ont grandi jusqu'à 10 ans, et dès qu'ils ont eu 10 ans, ils sont partis. Les meufs, les femmes, elles sont parties. Ah oui, quand les enfants ont eu 10 ans. Quand les enfants ont eu... Et c'est fréquent, hein, ça, c'est les bons partis, en fait, quoi, Et bon, parti, et après 10 ans, les enfants de 10 ans, c'est une règle. Ah ouais, ok. Bon. Il y a plus de femmes comme ça. Ouais, je connais quand même. Ouais, je connais. C'est intéressant ta théorie, Vincent. Non, la plupart, il y en a beaucoup qui vont rester, mais je vois plein de cas, je me dis, ah ouais, mais elle aussi, elle est partie. Parce que 10 ans, c'est l'âge des pensions alimentaires, quoi. Ah, d'accord. Peut-être, c'est ça. Il y en a qui se marient 2 ou 3 fois. Vas-y, prends le micro, Ernesto. Il y en a qui se marient 2 ou 3 fois, et puis. Profite des pensions alimentaires et puis voilà quoi. Ah oui, vous croyez? Oui, je crois. Ouais, ouais c'est vrai. Hein. Non, qu'est-ce que vous pensez les autres? Bah, ils se marient 2 ou 3 fois avec le même homme ou avec des autres non, hommes? Avec d'autres femmes. Il y a des femmes qui sortent les pensions alimentaires aussi, hein, faut le dire. Hein. Parle le micro, Ernesto, parce que sinon on n'entend pas la radio. Il y a des femmes qui veulent des pensions alimentaires, elles se marient 2 ou 3 fois et puis voilà. C'est... Ah, ils font un enfant avec chacun homme pour avoir une pension alimentaire. Ouais, j'ai déjà vu ça. Hein. Ouais. T'as vécu ça dans ta vie? Non, pas moi. J'ai vu une personne qui a vécu ça. Une femme qui a vécu ça, elle se marie 2 ou 3 fois et puis elle a toutes les pensions alimentaires. D'accord. Oui, ça existe. Il y a tout dans la vie du Seigneur. Alors, et on va passer. On va mettre un peu de la musique, vous connaissez ça hein? Ti amo Umberto Tozzi. Prends le micro, Patrick. En vérité, quand il y a l'amour, c'est vrai. C'est vrai, au début c'est bien. Au début c'est bien l'amour. Mais après, il y a des couples qui sont. Qui restent 50 ans ensemble. Et au bout de 50 ans, ils se séparent. Ou alors il y en a qui décèdent. Et après, il faut qu'il retrouve quelqu'un d'autre, c'est aussi. Il y a ça. Et il y a aussi. Il faut que ça dure aussi. Il faut que ça dure. C'est bien au début, on peut le truc, mais il faut l'entretenir et durer jusqu'à la fin. Et ici, comme on dit, des fois, l'amour n'est qu'un feu de paille. Oui, mais il y a aussi un poème d'un poète espagnol qui s'appelle Quevedo, parce qu'on dit toujours que jusqu'à la mort nous sépare. Mais il dit en fait qu'après la mort, ils vont être poudre, mais poudre amoureux. C'est un polvo, más polvo enamorado. C'est le poète encore hein, qui invente des trucs. Mes parents, ça fait longtemps qu'ils sont mariés et ils sont pas encore divorcés. Hein. Si, moi aussi, c'est 45 ans de mariage. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, ça finit pas toujours mal. Ouais, hein. Mon père, ma mère, 45 ans de mariage. Mon père, il a 82 ans, c'est 45 ans qui sont mariés. Hein. Oui, mais l'autre jour, on a croisé à l'action radiophonique des Schizophonia Tu te rappelles, Christiana, un couple qui avait quoi, 70 ans marié, un truc comme ça. Ouais, 70 ans de mariage. Ouais, oui, 70 ans de mariage. Il fêtait les noces de quoi? Des diamants, je crois. Oui, oui. Il n'y a pas plus. Hein. 70 ans, il était dans la rue, il était super heureux. Il rigolait avec nous. Diamant le plus plus. Je crois, ouais. Et puis on est par hasard, on parlait sur les passions. Et on trouve un couple, on dit voilà, on va le passer sur la prochaine émission de Schizophrénie l'année prochaine. Non, pas l'année prochaine, dans deux lundis. Et voilà, il était super heureux, non? Qu'est-ce ouais, ils étaient heureux. Et je ne sais pas s'il y a des disputes entre eux, c'est ça. Mais généralement, en fait, dans les mariages, en fait, ce qu'ils font, les gens qui restent longtemps avec leur femme, ils prennent leur temps, quoi. Ils prennent vraiment leur temps, quoi. Ils disent bon, on va attendre 3, 4, 5 ans et après, ils se marient. Moi, je pense que c'est plus le respect, en fait. Même pas. Pour moi, si. C'est le respect, la confiance, la fidélité. Moi, j'ai des potes à moi, en fait, ils ont divorcé. Leur femme a divorcé juste parce qu'ils faisaient pas le ménage. Ils étaient chez eux et tout. Et ils faisaient pas le ménage. Mais non, mais c'est pas rien. Hein. Ils achètent un appart. Moi, je comprends. Hein. Ils achètent un appart. Ils se marient, ils achètent une voiture. Et tous les jours, après, ils font les enfants. Et tous les jours, la femme, elle rentre. Tout le temps, c'est un bordel. Et lui, comme ils ont été habitués que c'est la femme et leur sœur qui font le ménage, ils font pas, quoi. Ils ont pas l'habitude, quoi. Et juste pour... la vaisselle n'est pas faite, ils n'ont pas fait les courses, ils rentrent chez eux, ils travaillent, ils regardent la télé. Ça arrive à ma sœur. Ma sœur, ils ont divorcé parce que mon beau-frère est rentré chez lui, et puis il regarde la télé. Il regarde même pas le match de foot, il regarde les BFM télé. Il part 5 minutes avec elle, il met la table et après, il regarde la télé, quoi. Après, et c'était un pavillon, hein. Au bout de 10-15 ans, ils se sont séparés et en fait, elle a divorcé, quoi. Moi, je n'avais pas divorcé pour ça. Elle ne voulait pas divorcer, c'est lui qui voulait divorcer pour la maison. Et ça ne voulait pas s'arranger? Il n'y avait pas de compromis? Dès qu'il a vu qu'il se disputait, qu'elle parlait mal, elle s'est séparée, elle a acheté un studio, puis ils se sont séparés, quoi. Bon. C'est aussi des problèmes quotidiens qui, des fois, usent le couple. Et puis, voilà, finalement, c'est le jour à jour. C'était moi qui t'obligeais de faire le ménage. Voilà. C'était moi qui t'obligeais de faire le ménage. Tu devais faire tous les jours. Bon, il fallait les faire tirer à la courte paille. Il faut faire des jeux dans ces cas-là. Mais oui, bah voilà. Oui, c'est le hasard choisi. Patrick, prends le micro là. De l'amour des joueurs d'échecs. Oui, vas-y. Sur le joueur d'échecs. C'est la chronique des échecs. Un grand passionné des échecs. Ça arrivait qu'il y a des championnats mixtes entre joueurs et joueuses et qui se fréquentent dans les tournois. Et ça, il y a beaucoup. Je sais en lisant un magazine qui s'appelle Europe Échecs. Mais ça remonte à longtemps. Ça fait longtemps que ça existe. Ça existe. C'est pas ça vaut pas Europe Échecs. Hein. Ça remonte à très longtemps. Depuis les championnats mixtes, je crois comme il y a les championnats mixtes d'échecs entre maîtres et entre des championnes et des champions. Des filles qui sont maîtres, qui sont champions de leur pays ou des champions de le pays, ils se rencontrent. C'est arrivé qu'il y ait des couples qui se sont formés entre joueurs d'échecs et joueuses d'échecs qui se sont mariés ensemble. Et c'était génial parce qu'ils avaient la même passion. Ils ont la même passion et ils se marient et c'est génial parce qu'ils... Et moi, je connais juste le cas de. Je crois que José Raúl Capablanca était très, très amateur de jolies femmes. Et lui, il était très, très. Il avait beaucoup de jolies femmes. Il se fréquentait beaucoup de jolies femmes. Et lui, je ne sais pas s'il s'est marié, s'il a eu des enfants. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de championnat mix, dans les championnats mix, joueurs et joueuses se fréquentent. Comme ils se fréquentent, ça fait que comme ils ont la même passion entre eux, ça peut arriver qu'il y a des couples qui se forment et il y a des voilà, ils ont quelque chose en commun. C'est leur passion. Et je connais le cas de, par exemple, c'est vrai que il y a un joueur qui s'appelle Mathieu Cornette et sa femme Dolité Cornette, je les nomme tous les deux. Je sais que j'ai vu dans le magazine. C'est pas facile parce qu'ils ont un enfant, mais ils voyagent tous les deux. Ils voyagent tous les deux et c'est pas facile parce que comme ils ont un enfant de 3 ans, je crois, Et c'est quand on a un enfant, quand on est joueur d'échecs professionnel et qu'on doit voyager et que le couple voyage et que le joueur est en voyage et que la joueuse est en voyage et qu'on se déplace pour les tournois pour gagner des prix et on gagne notre vie, ils gagnent leur vie pour ça. Et il y a des démarches comme ça. Des fois c'est pas facile mais ils arrivent quand même à joindre les bouts et c'est formidable parce qu'ils ont la même passion et c'est vraiment de l'amour des échecs, l'amour de deux personnes qui sont à la même passion, c'est formidable pour moi, je trouve que c'est formidable et c'est pas facile quand on a un enfant que le couple voyage de chaque côté mais c'est leur métier, c'est leur métier et ils vivent de ça et c'est leur passion et ils ont vraiment envie de cet enfant est né des échecs, voilà. Ça existe dans beaucoup de métiers où la rencontre de deux personnes ayant la même passion. J'ai 40 ans de l'hôpital Ville-Évrard, je connais pas mal de couples mariés ayant des enfants qui sont connus sur le même lieu de travail. Et moi je parle de catégorie sport loisir. D'accord. Sport loisir. Mais je crois qu'on peut pratiquement généraliser, c'est peut-être un grand mot, mais c'est bien connu ce que vous décrivez dans le sport. Voilà. Ça existe, comme voilà. Je dis, voilà. Dans bien d'autres métiers. Mais, je veux dire pour les couples qui jouent aux échecs, qui sont par exemple qui arrivent à un certain âge, les enfants sont grands, ils vivent de leur côté. Mais pour les couples qui ont un enfant qui sont maîtres et grands-maîtres on parle là de catégorie du sportivement, loisirement et sportivement. Et c'est-à-dire que ces couples-là, comme ils se déplacent chacun de leur côté, c'est la mamie qui garde l'enfant ou ils font garder par quelqu'un à l'enfant. Et l'enfant est. Bon, c'est vrai que il y a des. C'est vrai que. Mais quand même, c'est formidable parce que. Ils ont. C'est né d'une passion et d'une autre passion. Voilà. Merci. Peut-être qu'il y a des gens de Ville-Évrard, des patients qui sont rencontrés à Ville-Évrard, qui sont tombés amoureux. Hein. Qu'est-ce qu'on en sait? Oui, oui, il y en a. Hein. On en connaît, même ici. Au groupe radio. Qu'est-ce qu'on connaît, quoi? Des patients qui se sont rencontrés, ouais. Et qui s'aiment. Ouais. Au groupe radio, on a un petit couple. Oui. La frappe de Brian Diaz, le gardien, il arrête du Milassi de l'Inter. Ensuite, il y a eu la frappe au début, la frappe de Théo Hernandez, il la rate, trop en l'air. Ensuite, la frappe de Dzeko sur le centre et le gardien McMillan de l'Inter du Milan AC, il l'arrête. J'ai une question, je te coupe. Et tu pratiques du foot? Ou non. Tu pratiquais? T'as jamais pratiqué? Si, j'ai déjà pratiqué. J'ai arrêté. Ah. Et t'aimes que le foot ou d'autres sports? Le foot, le basket, ouais. L'handball, le tennis de table, ping-pong. Et tu préfères le foot? Oui. Ouais. C'est notre éco-responsable sport dans la radio. C'est la chronique sport. Chaque fois, il va voir les matchs à Milan, à Madrid. C'était à San Siro ce match. Ouais, voilà, à San Siro. Il vient de San Siro. San Siro. Il prend l'avion directement pour arriver à l'heure à nous donner. Aujourd'hui, c'est Real Madrid de Manchester City et à Etihad. Et c'est quoi ton pronostic pour le match de ce soir? Je sais pas. Je vois un gros score. Un gros score. C'est à quelle heure le match? 21h. Ça va être un bon match, hein. Mm-hmm. Real Madrid, Manchester City, voilà. Un partout. Comment tu vas faire pour prendre l'avion? À quelle heure tu pars là? Il faut aller direct. Ton jet privé, il est là, hélicoptère là, à côté. Oui. C'est pas vers 19h. Ouais, tu pars à 19h, tu arrives direct. C'est où? C'est à Milan? Non, c'est à. C'est à Etihad. C'est. Stade Etihad. C'est où ça? C'est en Angleterre. Ah, en Angleterre? Oui, c'est rapide. Mm-hmm. Tu vois, ou sinon tu prends l'Eurostar, quoi. Non, c'est moins, c'est plus lent. Ouais, c'est l'avion, c'est 1h30, voilà. Hein. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire pour ces matchs? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu, comment tu vois les choses? Inter Milan Milan AC. Oui. Bah, il y a eu plusieurs frappes et à la 73e minute, le but de Lautaro Martinez, le capitaine, qui envoie l'Inter en finale après 13 ans. Ah oui, ça doit être émotionnant, ça, émouvant. Ils avaient gagné la Ligue des Champions en 2010. Donc ça fait 13 ans. 13 ans. Ouais. 13 ans qu'ils ont atteint la finale. Mais oui. Après, face à qui? Manchester City, ce sera un outsider, l'Inter. Ouais. Après 13 ans. Mais oui, c'est bien. Et c'est quoi ta prochaine chronique là? Tu vas nous raconter le match de ce soir, la prochaine. Ouais. Ouais. Quand j'aurai la vidéo sur YouTube. Et tu vas aussi couvrir les Jeux Olympiques? Hein? Tu vas te préparer pour nous ouais, rencontrer? Les Jeux Olympiques à la télé. Ouais. Sur France 3. Et ici, à la radio. Là, je parle des Jeux Olympiques d'Europe. Ah, c'est maintenant, là? C'est en mai. En mai? Ah oui, c'est maintenant, là. On est en mai, là. Ouais. C'est quand, alors? Quelle date? Je sais pas, fin mai. Fin mai. Ok. Donc, bon, mais tu vas aussi nous raconter à la radio les Jeux Olympiques 2024. C'est à Paris, c'est pas très loin. Il y a l'athlétisme aussi, championnat d'Europe. Oui. Bon, tu as plein de choses à dire. Est-ce que tu as une autre chose à nous dire sur les sports de la semaine? Bah, il y a bientôt Roland Garros. Ah oui. Aussi, en même temps que les Jeux Olympiques, athlétisme, judo, tout. Cool. Est-ce que championnat d'Europe. Tu as autre chose à nous dire pour le sport cette aussi, semaine? Aussi, la Coupe du Monde féminine de football en juillet. Ah oui. Ah, c'est les filles qui jouent ou c'est les garçons? Les filles. Ce sera en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il y a les Françaises qui vont jouer, les Françaises? Oui, ils vont jouer. Ah oui, t'es sûr? On va jouer, mais il y a plein de choses alors, de mois de mai, si j'ai compris. Il y a des matchs aussi de. Les qualifications féminines, oui. C'est pas encore terminé les qualifications. Féminines? Ouais. Tu connais ce morceau? Santa Maradona? Hey, Jérémy, cool. Bonjour Jérémy, la musique. Black Ace, tu vas nous chanter aujourd'hui un truc? Oui, voilà, tu peux prendre un micro déjà. Là, on était en train d'écouter un peu de musique. Courez, courez, allez, allez, allez, tapez dans le ballon, tapez, j'en Oui, vas-y, on a des retours là. On a côté un peu de football de Mano Negra. Mais... Il y a aussi Ronaldinho qui joue dans un club brésilien. Ronaldinho ? Ouais, qui joue dans un club brésilien. Lesquels ? Ah, je sais que je connais pas le nom. C'est pas la Copa Libertadores. Essayez de pas mettre les micros devant le haut-parleur parce que sinon ça fait de l'arsène. Qu'est-ce que tu disais ? Il joue à la Copa Libertadores. Libertadores. Libertadores. Ouais. C'est un peu comme la Coupe de l'Europe en Amérique du Sud, ça. C'est un peu comme une... Parle au micro. C'est comme une ligue. Ouais. Bon. On y va ? On y va ? Alors, on s'en remercie. Merci ça, de cette chronique. Ronaldinho, ça ? Ouais. Brésil ? Il joue au Brésil. Il joue au Brésil ? Non, un club brésilien. Est-ce que... Ouais, voilà, Jérémy, bienvenue, hein, ça fait longtemps que... Merci pour la chronique de sport, là, Jason, tout le mercredi, la semaine prochaine, tu nous mets à jour sur tout ça. Ouais, il faut que tu rates pas ton avion, hein, ça, parce que tu vas... La finale le 10 juin. Ouais. Et là, Jérémy nous a préparé un peu de musique live, là, qu'il ramène. Avec, tu veux qu'on te mette un peu d'instrumental ou tu vas... Brésil, ouais, si vous mettez un peu de genre instrumental. Je sais pas ce que tu veux, toi. Attends. Si on fait un tour au Brésil, mettre instrumental de samba. Samba. Ouais. Attends, qu'est-ce que tu veux? Le carnaval de Rio. La dame, elle est partie. Micro. La dame, elle est partie, je voulais la voir. Quelle dame? La dame de Rio. Ah non, elle est jusqu'au mois de juin, elle va venir à la radio, un de ces quatre. D'accord, merci. Oui, Ariadne de Moula Mendez. Non, elle est pas là aujourd'hui. Mais Ariadne, hier, on a présenté les films de Nicolas Fini quand son stage ? Non, on parle de deux personnes là. On parle de Ariadne de Moulin Mendes, c'est sur la qui dirige une école de un bloco de samba qui soigne le maladie mentale à travers la samba, le carnaval. Et qui a hier, on a présenté les films de Nicolas Philibert qui a gagné Lourdeur à Berlin, qui s'appelle Sur l'Adamant. Qu'est-ce que tu l'as vu, Christiane ? Qu'est-ce que tu as pensé du film ? Mais il était bien, ça. C'est un bon film. Ouais. Tu peux dire quelque chose Le film m'a plu. Les patients, ils étaient c'était touchant. Ça m'a touché. Qui aime musique là? J'entends une musique là. C'est bien. Portable. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu as préféré dans le film? C'est quoi de le moment? Moi, le père dans le film, c'est le mec, les chants, oui. Les chants et les dessins, les passions. Ouais. Et tu as vu un peu une différence, un truc, quelque chose qui se ressemble un peu à notre travail? Comment tu vois les choses? Bon, ils ont plus de moyens que nous, quand même. Mais ils ont plus de moyens que nous. Ouais. Mais nous, on s'est vrai pas mal. Attends, qu'est-ce qu'on va trouver comme musique pour Jérémy? Tu as une idée? Samba, oh, ils sont bons. Attends, je vais te mettre un truc. Samba ou. Est-ce qu'on peut trouver ça? Il n'y a pas de samba, tu vois, ouais, on va voir, c'est bien, un peu de rap samba. Je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre de genre samba, mais j'aime bien ça, mais bon, c'est pas vraiment la samba. Et ta stagiaire, c'est fini son stage? Tessa, elle prépare ses examens partiels, là. Mais elle revient. Et c'est quand qu'il se finit son stage? Je sais pas, en juin, je crois. En juin. C'est pas du rock, ça? On cherche la musique qu'il faut. C'est pas tout de bien. Samba. Un samba pour Jérémy, pour qu'il puisse improviser en direct. Tout. Ça non plus, sympa. On va chercher. Attends. Ah, mais tu sais, il y a... Attends, il y a Samba de Redos. Samba. Moi, je devrais connaître plus Samba, c'est quand même. Mais. Jason, tu connais un Samba? Je connais la Samba qui fait Samba et tu la fais la Samba. Comment tu chantes ça? Vas-y, continue un peu. Non. Bah, tu peux, hein. Deux. attends, il y en a deux. C'est vrai, il y en a deux. On a deux musiques qui sont un peu mélangées. Mais attends, on y va. Et tu vas regarder sur quel... Je sais pas, là, chacun a son... Attends, tu peux nous dire un coucou avant que vous partez. Je la cherche, la son, parce que... Ouais. Mais sans parole, excusez-moi. Tu mets instrumental. Ouais, mais c'est ça, hein, tout est instrumental ici. Hein. Même la voix instrumentale. Oui. Voilà. Tu es prêt? Je veux vous demander s'il va bien, comment il s'appelle. Qui ça? Ta chip. Non, pas ta chip. Tes chips. Tu peux parler au micro, comme ça on écoute, parce que sinon c'est... Vas-y, sinon je peux essayer de... J'y aller à capella et tu trouves le truc en même temps. Ouais, vas-y, à capella, exactement. Mais vas-y, hein. Okay. Tu peux y aller, hein. Un, deux. Ouais. Un, deux. C'est bon ? Ok. D. Ok, D. Des sentiments à vie tournent autour de nous. Wow. Des sentiments à vie tournent autour de nous. Wow. Des sentiments à vie tournent autour de nous. Wow. Des sentiments à vie tournent autour de nous. Wow. L'humain vit la vie de l'envie. L'humain vit la vie de l'envie. L'humain vit la vie, l'envie d'une villa à vie. L'humain vit la ville, l'envie d'une villa à vie. Des sentiments à vie tournent autour de nous. Wow. Des sentiments à vide tournent autour de nous. Wow. Super. En plus, c'était pas évident avec la musique quand même, mais c'était génial. Comment tu improvises, c'est incroyable comment tu peux le faire à chaque fois. Hein. Tu me surprends un peu. Voilà. C'est Jérémy qui est en direct là. Il est parti au Jérémy d'ailleurs. C'est pas qui va faire. Tu veux mettre ça? Tu veux faire quoi? You better hurry up, baby. Why is that? Because my father's gonna be home soon. And you know he don't like dogs. Oh, is that right? Yeah, but I ain't trying to hear what he's saying. Because you know I love you, right, baby? You don't love me. You just love my doggy style. Oh, my God. Look at my yard. Look at this mess. I need to call the dog catcher or something. Man, what is this? Look at that yard. Where's my daughter at? Is that dog in there? Hey, on y va. I want that dog out of my house. What are we gonna do? Don't even trip. I'm gonna have a mess. I want that dog out of my house. The depths of the sea, back to the block. Snoop Doggy Dog Funky is the doc. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but you bet not slip. Cause 9 Trizzays the year's there for me to clizz out my grip. So I ain't holding nothing back, and once again I got 5 on the 20s. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a fool on his back. Yeah, so peep out the manuscript. You see that it's a must, we drop gangsta. Hold up, what's my name? The bound to the wild, creeping and crawling, Yiggy, yes, yowling, Snoop Doggy Dog in the house with the pound like every day, and I'm right back up in you with Dr. Dre, and like I said, none of y'all can dip with this, and none of y'all can dip with that hit I just dropped, cause you know it don't stop, Mr. 187 on the undercover cop, tick-tock, 9 o'clock, just some nuts in the cop, rob you for your ears, then I kill you blood clocks, and I step through the fog, and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy, oh. Yeah. Vas-y, vas-y. Christina, on est de retour. Dominique d'Anjou, il va bien. Qui ça? Dominique d'Anjou. Dominique. Dominique d'Anjou, c'est qui Dominique d'Anjou? Mais c'est le mec qui est à l'hôpital de jour. Il est hospitalisé en ce moment. Je vais savoir de ses nouvelles. Dominique d'Anjou, c'est une patiente? Non, c'est un moussin. C'est un patient. Ouais, je connais, je me rappelle pas qui c'est Dominique parce que je vais plus à l'hôpital de jour. Non, mais on va appeler après. He is I and I am him, slim with the tilted brim. What's your name, on y va. Quand je vais parler. On est de retour sur Radio Métanoïa. On est sur Pinot, voilà. Il y a une urgence. On a plus d'urgence. On est tous là. On essaie de vite fait faire un dernier. Jérémy, il est là à fond. Avant de bouger. Désolé. Il y a des aléas de la vie. On ne peut pas toujours tout gérer dans la vie. Je dois aller, donc on va finir sur ça. Et je vous laisse après en compagnie des autres contribuants. Vas-y. J'espère que vous êtes toujours là, auditeur, auditrice. Donc ça fait. La foi est vitale, l'espoir désirable. La folie est virale à travers des images. La foi est vitale, l'espoir désirable. La folie est virale à travers des mirages. Faire de la quichta, en deux, aux émirats, zémira, l'or noir devient bleu. Faire de la quichta, en deux, aux émirats, zémira, l'or noir devient bleu. Yes, yes. Oui, bravo. Merci Jérémy. Christina, vas-y. Ça va aller loin, mais je veux dire quelque chose de vrai. Je peux parler de ça ou pas ici? Si, tu peux parler de tout ici, on a libre parole, là, vas-y. Bah, je vais parler de ça un peu de... C'est un peu, mais c'est pas de. Là, je vais parler vraiment de la relation de. Ça commence par C. Bon. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, j'en ai parlé. Il y a beaucoup de gens, tu. Et à un moment, ils disent oui. Ils disent oui, et après, ils disent non. Ils disent oui et non. Et ça, on peut passer ça pour viol, parce que une personne, tu te dis oui au début et après elle te dit non après. Ça peut, le mec il comprend pas pourquoi la meuf a dit oui et après elle dit non, et après elle redit oui, il comprend pas, et on peut croire que c'est un viol. Mais. Est-ce qu'on a le droit de changer d'avis? Juste pour comme ça. Si, on a le droit de changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. C'est ça que je vais y en parler. On a le droit de changer d'avis. On peut dire oui et on peut dire non. Mais le truc, c'est compliqué. C'est quand on dit oui et non. Les gens, ils ne comprennent pas. Il faut être simple. Il faut dire oui ou non. Il ne faut pas dire oui ou non. Après, ensuite, tu dis oui. Après, tu dis non, et après, tu dis après, oui. On ne comprend plus après. Voilà. C'est tout embrouillé. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai. On se confond, on dit oui, non. Voilà. Et après, ça fait des problèmes. Ah, ça peut créer des grands problèmes, ouais. Ouais. Ça peut créer des gros problèmes dans la relation. Si c'est la première fois que tu fais ça, et tu dis. la première fois tu fais ça et ça peut gêner une personne. Parce qu'il y a, des premières fois dans la vie. Tout le monde a des premières fois, la première fois qu'on fait du vélo, ou la première fois qu'on mange tout seul, la première fois qu'on met ses chaussures. Et là aussi, il y a une première fois. Et quand on fait cette première fois-là, il faut rencontrer quelqu'un de bien. Pas quelqu'un de pas bien. Pensez quoi, vous ? Qu'est-ce que vous pensez, les autres ? Alors ? Oui, et que le bien et le mal dans tout ça, c'est très compliqué. Quelqu'un qui peut être bien pour moi, il ne sera pas forcément bien pour quelqu'un d'autre, et vice-versa. Et en plus, ça peut être bien pour moi le lundi, mais est-ce que le mardi, je vais être d'accord avec moi-même ? Je ne sais pas encore. Donc voilà ce que j'en pense, c'est toujours pareil. Hein. Je pense que ta vérité du jour, eh ben, c'est ta vérité du jour. Moi, j'en ai une autre, mais par contre, tu peux avoir une autre vérité le mardi. Voilà. Après, effectivement, tout le monde ne va pas le comprendre simplement. Ça, c'est sûr que pour la personne en face, ce n'est pas facile à suivre. Bah oui, parce que la personne, elle risque de s'énerver aussi. Oui, ça peut faire pas de patience. Oui, ça peut me prêter à des grosses confusions aussi de la part des autres. Après, tu dis oui, non, et puis après, ça reste non, mais au début, c'était oui, et puis après, c'était non, et après, c'est oui, ok. Enfin, c'est vrai que ça, c'est confus. C'est comme l'histoire, tu dis, moi, je veux sortir avec toi, et la personne, elle veut sortir avec toi, et toi, tu veux sortir avec elle. Et après, le lendemain matin, elle te dit « Non, j'ai pas envie de sortir avec toi. » Alors toi, tu comprends pas pourquoi elle veut pas sortir avec toi. Et au début, elle voulait sortir avec toi. Bah, c'est compliqué. C'est pareil. Il y a plusieurs dans les humains, ils font ça. Certains humains, femmes, hommes, ou adolescents, je sais pas, ils disent au début « Oui, je veux sortir avec toi. » Et après, ils disent « Oh non, moi, je veux pas sortir avec toi. Je veux pas sortir avec toi parce que je n'ai pas confiance aux femmes. Bah, » c'est compliqué, hein. Oui, oui. Patrick, qu'est-ce que tu voulais dire ? Je voulais parler à Anne-Laure. Qu'en penses-tu de ma philosophie de l'amour sur tout ce que j'ai dit, depuis tout à l'heure ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... des histoires de disputes, d'homicides d'hommes sur leurs femmes, qui étaient amoureux de leurs femmes au début, et qui ont tué leurs femmes. Il y a eu beaucoup d'histoires comme ça, depuis quelques années. Je ne sais pas si toi aussi, Anne-Laure, dans les faits divers, il y a eu beaucoup d'histoires tous les ans. Tous les ans, je crois, ils disent ça. Il y a des féminicides d'hommes sur des conjoints sur leurs femmes qui battent leurs femmes. Il y a aussi des femmes qui battent leurs hommes. Et que penses-tu de ma philosophie par rapport à tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, est-ce que je suis controversé ou alors j'ai des trucs quand même Que penses-tu dis-moi ce que tu en penses. Mon avis, tu veux mon avis. Bon bah c'est gentil de demander mon avis. J'en pense que c'était quand même un peu sombre, un peu fataliste. C'est une réalité, ça peut arriver que ça se termine très très mal au point de... Ouais. Effectivement, le crime passionnel, ouais. Ce qu'on appelle le crime passionnel, c'est-à-dire t'aimes tellement... Que tu tues la personne. Qu'à un moment, tu confonds entre ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas, finalement, c'est un peu ça. D'accord. Donc, le crime passionnel, oui, ça existe. Heureusement qu'il n'y a pas que des crimes passionnels, parce que sinon... Mais je vois des gens... Mais ça existe. Mais je vois des gens... Il y a un café que je fréquente souvent. Je vois des gens qui sont... je sais pas, des gens qui sont peut-être comme moi, qui ne voient pas l'avenir avec quelqu'un qui ne tient pas une relation longtemps. Mais il y a des gens qui ne te jugent pas, moi personnellement je n'arrive pas à tenir une relation longtemps. Tu tiens ton temps, c'est ton temps, j'arrive à parler, mais après je peux avoir dire je peux dire, on peut se voir, mais après, je... Après, après... Non, mais c'est-à-dire que... Peut-être que je suis... C'est pas que je suis égoïste, mais c'est que j'ai ma flamme, la flamme se... c'est comme une flamme qui s'éteint. Une flamme qui s'éteint. Oui, t'es tellement flambeux que tu tombes amoureux. Ouais, un grand amoureux, puis, en fait. Et puis après, la flamme s'éteint. Au bout de quelques temps, elle s'éteint. Et après, Il y a d'autres flammes qui s'allument après ou pas, ou ça reste Non, après, j'essaye. Et j'essaye, mais après j'ai fini par abandonner parce que tellement j'étais... c'est pas question d'égoïsme, mais c'est que je n'arrive pas, avec la maladie que j'ai, psychologiquement, je ne peux pas avoir de... Je peux pas... tu sais, il y a des gens qui sont malades psychologiquement et qui n'ont pas de... Qui sont sous dépendance de certains médicaments ou des trucs comme ça, mais qui ne peuvent pas, ou alors qui sont solitaires, qui préfèrent être solitaires que avoir des amis, que ils disent par exemple, excuse-moi, je préfère avoir resté avec mes amis que. Ouais, mais les médicaments, ça n'empêche pas l'amour, t'es d'accord quand non, même. Pas l'amour. Mais il y a des gens qui Ah mais c'est intéressant ce que tu dis. Mohamed, prends de la place, on a encore 2 minutes pour toi. 3 minutes pour si. Voilà, je dois descendre. Voilà. Un deux. Prends ta queue et fais un nœud. La queue de billard, c'est mieux que le corbillard, n'est-ce pas? T'as vernis à boire. Ta gueule, t'as bouffé hier. Mohamed le poète, le prophète, merci Mohamed. Tu nous manques ici. Faut que tu viennes plus souvent. Oui, mercredi prochain. Oui, parce que nous manque ton improvisation là. Ici, on ne sait pas improviser comme tu le fais. C'est super si tu veux. Attends, une dernière minute. Puis on est sur Metanoia Pinot. L'argent pourrit les gens. J'en ai le sentiment. Même le gouvernement, prêt à baisser leur froc pour une question d'argent. Avec une baisse irréversible suivant le temps, apparemment l'armement passe largement avant la condition de vie de chacun. Le monde est plein de bombes qui creuseront nos tombes. Maintenant, tu sais à quoi sert le fric qui, à lui seul, pourrait stopper la famine en Afrique. One, two. Ah oui, c'est extraordinaire. Merci à Mohamed, le poète, le remède, les prophètes. Merci Patrick aussi, ce que tu parlais, c'est très profond. Hein. Attends, vas-y. Veux d'être hospitalisé? Moi, oui, ça fait 2 ans et demi que je suis là, moi. Ah bon? Vous habitez là? Ouais, je vais acheter les bras. Et je vais, garder Isabelle et Sandrine. L'inflation. Marlène, elle dégage. Ah bon? Elle fait pas son boulot. Non, je rigole. Dis-nous quelque chose. Il y a le remix. On a une minute pour dire au revoir, Metanoia. 2 ans de Metanoia, c'est bien. Vous n'avez pas payé pas de loyer pendant ce temps-là, alors. Couleur sombre. On n'a pas vu ton ombre. Malgré la pénombre. Merci Mohamed. Metanoia. Vas-y, à mercredi prochain avec la pro. Merci Patrick, c'est ce que tu as dit, c'est très profond. Mais moi je pense que tu n'est pas parce que tu as une pathologie, quoi que ce soit, que tu n'es pas être amoureux. Hein. Mais par contre, il y a un truc un peu, qu'on dit un peu tragique dans l'idée que tu as de l'amour, que ce n'est pas forcément ça. Qu'est-ce que tu penses alors sur ce qu'a dit Patrick? Parce que c'était à toi qui t'es adressé la question. Heureusement, l'amour se termine toujours pas mal. Alors, il a raison de me renvoyer, Patrick, il a raison de me renvoyer aux origines de cette conversation. À savoir, j'ai moi-même allumé la flamme qui, visiblement, peut parfois s'éteindre. Bonne soirée. En précisant que l'amour finissait mal en général, c'était effectivement un hommage à Rita Mitsuko. Voilà. Et Patrick m'a pris un peu trop au pied de la lettre, parce que ça peut se finir très très mal à ce point-là, mais heureusement, c'est très rare, mais il faut savoir le dénoncer. Merci.